الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. نجلس اليوم لنتفقه في قصة عظيمة عامرة بالفوائد والدروس والعبر، وهذه القصة يعرفها كل من تلا القرآن الكريم، وهذه القصة تنبيه للأغنياء وللفقراء، تنبيه للشاكرين وللصابرين، تنبيه لذوي الأنساب. L'histoire que nous allons nous rappeler aujourd'hui, étudier, est une histoire remplie de leçons. Une histoire remplie de sagesse. Et en même temps, c'est un avertissement. C'est un avertissement pour les riches, tout comme c'est un avertissement pour les pauvres. C'est un avertissement pour ceux qui cherchent la dunya, et c'est un avertissement pour ceux qui cherchent l'au-delà. C'est un avertissement pour ceux qui ont un lien de famille avec une personne de renommée. Et c'est un avertissement pour ceux qui n'ont pas cette noblesse. Cette histoire, on la trouve dans Sourate Al-Qasas. À la fin de la sourate, le récit. C'est l'histoire de Qaroun. C'est l'histoire de Qaroun. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Qasas, a développé l'histoire de Moussa alayhi salam. Et Qaroun fait partie du peuple de Moussa. Et lorsqu'on cite les histoires du Coran, ce n'est pas pour passer le temps parce qu'on est en état de jeûne. Alors on attend le Maghrib. Non. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. Allah Azza wa Jal nous dit que dans les récits, dans ces récits, les récits des prophètes avec leur peuple, il y a des leçons à tirer pour ceux qui sont doués d'intelligence. Aussi, en mentionnant ces histoires, celui qui est sur la vérité, il est raffermi. Il est plus fort encore sur cette vérité. Avec ces histoires, la personne tire des leçons, elle se corrige, elle s'éduque. Elle purifie son âme, elle purifie son être. Parce qu'elle a connaissance du chemin des gens du bien, alors elle l'emprunte. Et parfois dans le Coran, tu vois que l'histoire qui est mentionnée accentue sur la description et sur les éloges des gens qui ont emprunté le chemin d'Allah. Et par moments, tu vois qu'on accentue sur le chemin de ceux qui sont les ennemis des prophètes et ont suivi autre que le chemin d'Allah, le chemin du shaitan. Et Qaroun fait partie de cette seconde catégorie de personnes. La catégorie de ceux qui se sont fait ennemis des prophètes et qui sont sortis du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au verset 76, ou plutôt, Na'am 76, on trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna qaruna kana min qawmi Musa, fabagha alayhim. » وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction des sens de ce passage du Coran, à la fin de Sourate Al-Qasas, la Sourate numéro 28, en vérité, Qaroun était du peuple de Moussa, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit, ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, et n'oublie pas ta part en cette vie, et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi, et ne recherche pas la corruption sur la terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc que Qaroun faisait partie du peuple de Moussa, le meilleur des prophètes de Banu Israël, l'un des cinq meilleurs prophètes et messagers, min ulil azm min ar-rusul. Le grand savant, l'imam Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala, Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala, nous dit qu'Allah nous informe ici de l'état de Qaroun. وَمَا فُعِلَ بِهِ وَنُصِحَ وَوُعِذِ. Et ce qui a été fait de lui, ce par quoi il a été conseillé et ce par quoi il a été exhorté. إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى. Allah Azza wa Jalla nous dit que Qaroun faisait partie du peuple de Moussa. Ibn Sa'di nous dit أَيْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ. C'est-à-dire qu'il était un des membres du peuple de Banu Israël. الَّذِينَ فُضِّلُوا عَلَى الْعَالَمِينَ. Ce peuple qu'Allah Azza wa Jal a élevé au-dessus de l'ensemble des mondes à leur époque. C'était la meilleure communauté à leur époque. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal comble de ses bienfaits son serviteur, c'est une cause pour qu'il se montre reconnaissant et donc emprunte la droiture. Ce qu'on appelle l'istiqama, le fait de faire ce qu'Allah nous commande et de délaisser ce qu'Allah nous interdit. وَلَكِنْ قَارُونَ. Mais Qaroun, lui, ne s'est pas comporté ainsi. Il n'a pas utilisé les bienfaits qu'Allah lui a donnés. Il n'a pas été, yani pour se rapprocher de lui, il n'a pas été reconnaissant. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transgressé. Et il a opprimé son peuple. Il a transgressé, il a opprimé son peuple. Et il s'est enorgueilli devant eux de par ce qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé comme richesse. Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, ou plutôt Ibn Jarir rahimahullah ta'ala, nous dit, pour nous dire qui était Qaroun, que la plupart sont d'avis que Qaroun ibn Ammi Moussa, Qaroun était le fils de l'oncle paternel de Moussa. Qaroun est le fils de l'oncle paternel de Moussa alayhi salam. Et cela était la parole de Saïd ibn Jubayr rapportée d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc Qaroun était le cousin de Moussa. Qatada rahimahullahu ta'ala nous dit kunna nuhaddathu an أنه كان ابن عم موسى. Qatada nous dit, on nous disait qu'il était, on nous rapportait qu'il était le fils de l'oncle de Moussa. وكان يسمى المنور. Et il était surnommé l'illuminé. لحسن صوته بالتوراة. Du fait qu'il récitait ou il avait une belle lecture de la Torah. Il avait une belle lecture de la Torah. Lorsqu'il récitait la Torah, il avait une belle voix. Walakin aduullah nafaq. Mais cet ennemi d'Allah, malgré tous ses bienfaits, il est tombé dans l'hypocrisie. Iyadhan billah. Tout comme As-Samiri. Tout comme As-Samiri, l'un qui est mentionné en surat Taha, par exemple, dans l'histoire de Moussa. فَأَهْلَكَهُ الْبَغِي كَثْرَةِ مَالِهِ. La transgression l'a plongé dans sa perte, de par ses nombreuses richesses. Ibn Kathir a mentionné tout cela. Donc, qui était Qarun? C'était le cousin de Moussa alayhi salam. Le fils de l'oncle paternel de Moussa alayhi salam. Malgré ça, Allah Azza wa Jal nous le mentionne dans le Coran pour qu'on en tire des leçons. Et pour qu'on fasse attention à ne pas suivre le chemin du mal. Donc, la première leçon qu'on va se rappeler ici, c'est que An-Nasab, la yunji al-Usah. An-Nasab, les liens de parenté, ton nom de famille, tu es le fils de un tel, tu es le frère d'un tel, tu connais un tel, tout cela ne sauve pas les pécheurs. Qarun, il a été puni par Allah Azza wa Jal alors qu'il est de la famille de Moussa alayhi salam, c'est un de ses proches, le meilleur des hommes à son époque, Moussa alayhi salam. Pourtant, on nous le mentionne dans le Coran pour qu'on tire des leçons et qu'on ne suive pas le chemin des habitants de l'enfer, iyadhan billah. Donc, la première leçon, c'est que celui qui n'adore pas Allah d'un culte sincère et qui n'obéit pas au prophète, son nom de famille, le fait qu'il soit le fils d'un tel, l'époux d'une telle, tout ça, ça sert à rien. Tout ça, sans la piété, ça ne sera d'aucune utilité chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça n'a sauvé personne avant nous. Et ça ne sauvera personne après nous. Écoutez ce que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. À la fin d'un grand hadith rapporté par l'imam muslim. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Et celui qui est mis en retard dans les œuvres n'y fait pas de hasanat, travaille pas pour son au-delà. Celui qui est en retard à cause de ses péchés, du fait qu'il ne fasse pas de hasanat, لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Son nom de famille ne va pas le faire rattraper les autres. Son nom de famille ne va pas lui faire accélérer le pas. Il ne va pas être élevé par son nom de famille après avoir été humilié à cause de ses péchés et le délaissement de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une leçon qu'on doit garder toute notre vie. Le nom de famille, la couleur, la richesse, les connaissances, tout ça, c'est des choses de dunya. Mais ça n'établit pas un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'établit pas un lien avec Allah. Il n'y a pas de lien entre toi et Allah par ton nom, par ta couleur, par ta richesse, par ta noblesse. Illa bittaqwa. Si ce n'est avec la piété. Allah nous dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous chez Allah est le plus pieux. Le plus noble d'entre vous chez Allah est le plus pieux. Et écoute l'appel du prophète alayhi salatu wassalam à ses plus proches parents et aux membres de sa tribu et à son propre sang. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari sur la Bouhayrata radiallahu an, Ya ma'ashara Quraysh, ô vous le peuple de Quraysh, ishtaru anfusakum min Allah, la ughni ankum min Allah shay'a. Affranchissez vos propres personnes chez Allah. Je ne pourrai rien pour vous chez Allah. C'est-à-dire adorez Allah seul d'un culte sincère et rapprochez-vous de lui par les bonnes actions. Parce que moi, de par notre lien, je ne pourrai rien faire pour vous chez Allah sans la piété. Ya bani Abd al-Muttalib, Ya bani Abd al-Muttalib, la ugni ankum min Allah shay'a. Ô les enfants de Abd al-Muttalib, ni sa tribu, ses plus proches, je ne pourrai rien pour vous chez Allah. Puis il les a cités en détail. Son oncle, le propre frère de son père, sa tante, la sœur de son père, sa fille, Fatima, il les a cités un par un, en disant sallallahu alayhi wa sallam, Ya Abbas, ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. أول عباس أنكلو دي ميساجي دالله Je ne pourrai rien pour toi chez Allah. Ô Safiya, la tante du messager d'Allah, je ne pourrai rien pour toi chez Allah. Ô Fatima, la fille du messager d'Allah, demande-moi ce que tu veux de mes biens, mais je ne pourrai rien pour toi chez Allah. Si le prophète alayhi salatu wassalam ne peut rien, il ne peut rien avancer, rien reculer, il ne peut rien élever, rien abaisser, si ce n'est par Allah, pour ses proches parents, oncles, tantes, filles, tribus, à plus forte raison pour nous. À plus forte raison pour nous. Quelle est la leçon ici? Qu'est-ce qu'on nous transmet comme message? Le message, tu n'as pas de lien avec Allah tabaraka wa ta'ala, si ce n'est avec le tawhid, avec l'ibada, avec l'ittiba' sunnah, avec le taqwa. Il n'y a pas de lien entre toi et Allah si ce n'est avec la connaissance d'Allah. Avec le fait d'emprunter le chemin qui mène vers Allah. Le fait d'adorer Allah seul d'un culte sincère sans jamais rien lui associer. Le fait d'apprendre à connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de suivre son chemin. Il n'y a qu'ainsi que tu peux établir un lien entre toi et Allah. Sans cela, Allah n'a que faire de ton lien de parenté avec un tel ou un tel. Ne vois-tu pas que Abu Lahab, Abu Talib, ne vois-tu pas que des proches du prophète alayhi salatu wassalam sont inscrits en enfer? Abu Talib a élevé le prophète alayhi salatu wassalam. Il l'a défendu, il a enduré pour lui des choses très difficiles. Malgré ça, lorsqu'il est décédé, il est décédé sur le shirk, sur le polythéisme. Alors ils ont dit au prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce que tu lui as été utile? Il te défendait, et il se mettait en colère pour toi. Écoutez la réponse du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, Hua fi dhahdahin minan nar. Il est en enfer. Et le feu atteint ses chevilles. Ad-dahdah, à la base, c'est comme la flaque d'eau. L'espace où le pied de la personne est dans l'eau. Mais là, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit de feu. Il est en enfer. Et c'est ça son châtiment. Et sans ma cause, il aurait été fi darkil asfali minan nar. Il aurait été au plus profond de l'enfer. Donc ce lien, et tout ce qu'il a fait pour le prophète alayhi salatu wassalam ne lui a pas été utile pour éviter l'enfer. Il est quand même en enfer. Il a élevé le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui donnait la nourriture, à boire, le gîte, la couverture. Il le protégeait. Pourtant, il est en enfer. Subhanallah. Que faire pour être sauvé de l'enfer? Ibadatullah. طاعة الله الجد والاجتهاد في طاعة الله في طلب مرضات الله. Il faut faire des efforts à la recherche de l'agrément d'Allah. Il faut apprendre sa religion. Il faut apprendre l'islam. Il faut adorer Allah seul d'un culte sincère. Et le point le plus important qu'on mentionne ici après le tawhid, iqamatu salah, l'accomplissement de la prière. Tu veux rentrer au paradis, avoir la satisfaction d'Allah? Il faut protéger cette prière, préserver cette prière. Wa aqimu as-salah wa atu az-zakah warka'u mar-raki'in was'au ila dhikrillah. Accourez à la prière, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, accomplissez la prière. Wa aqimi as-salata li dhikri, accomplis la prière pour te souvenir de moi. Wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alayha, ordonne à ta famille la prière et sois endurant dans celle-ci. Tous ces versets, on les trouve dans le Coran. Donc toi-même, tu dois accomplir la prière et veiller à ce que ta famille accomplisse la prière. Et l'homme accomplit la prière en groupe, on l'y appelle, dans la mosquée. Dans la mosquée. Quant à la femme, c'est meilleur pour elle et méritoire de prier chez elle. Mais si elle veut prier à la mosquée, on ne l'interdit pas. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne, elle doit s'efforcer d'adorer Allah, de sortir la zakat, de préserver son jeûne, de jeûner comme Allah veut. Pas le jeûne, pas manger, pas boire. Ça, c'est un jeûne superficiel. Mais le jeûne qu'Allah veut de nous, c'est atteindre la piété, éduquer nos âmes, nos personnes, faire ce qu'Allah veut de nous, délaisser ce qu'Allah nous a interdit, devenir pieux. Devenir pieux, c'est ça le jeûne qu'Allah Azza wa Jal veut pour nous. La'allakum tattaqoon. Allah dit dans le Coran, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqoon. Le jeûne de Ramadan nous a été prescrit pour quoi? Pour devenir pieux. C'est cela qu'Allah Azza wa Jal veut de nous. Le prophète alayhi salatu wa salam établit cette règle et nous dit: man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Celui qui jeûne et qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et les péchés ou les mensonges, Allah n'a que faire de son jeûne. Allah n'a que faire de son jeûne, qu'il délaisse la boisson et la nourriture. Donc voici comment obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, la piété, l'obéissance d'Allah, l'obéissance du prophète alayhi salatu wa salam. Ça c'est l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinon l'histoire, sinon le Coran, les récits nous ont montré que cela a eu lieu pour d'autres personnes. Prenez l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam a appelé son peuple au tawhid. Personne ne l'a suivi, sauf son épouse Sarah, radiallahu anha, et son neveu Lot. Quant à son père, Azar, il a mécru en lui. Il l'a menacé. Quant à son peuple, ils se sont liés contre lui et ils ont allumé un feu ardent pour le catapulter dedans, mais Allah l'a préservé et a ordonné au feu de devenir fraîcheur salutaire. Ibrahim alayhi salam, malgré les nuisances reçues de la part de son père, il s'est montré endurant. Et il a fait dua pour lui et a promis de faire dua pour lui. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas permis de dua pour celui qui décède en dehors de l'islam. C'est pour cela qu'il a ordonné aux musulmans de suivre l'exemple d'Ibrahim. Sauf dans une chose, la dua qu'il a fait pour tenir promesse, la dua qu'il a fait pour son père. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, et ça c'est un récit des plus bouleversants et effrayants. Yalqa Ibrahim abahu azara yawm al-qiyamah. Ibrahim va rencontrer son père le jour de la résurrection, Azar, et il sera dans une mauvaise apparence. Le père d'Ibrahim dira à Ibrahim, Ya Ibrahim, aide-moi, intercède en ma faveur, sauve-moi, fais quelque chose pour moi. Ibrahim lui répondra, ne t'avais-je pas dit de ne point me désobéir? Le père dira, aujourd'hui je ne te désobéirai pas. Mais est-ce que l'au-delà, c'est la terre de l'épreuve ou de la rétribution? La rétribution, c'est dans ce bas monde, l'épreuve. Et dans l'au-delà qu'on récolte. Alors Ibrahim a.s. va s'adresser à son Seigneur. Ibrahim est qui, vous savez? C'est le deuxième meilleur de tous les prophètes et messagers. L'un des cinq meilleurs prophètes et messagers, min ulil azm. C'est Khalil ar-Rahman, le bien-aimé, au plus haut point chez Allah Azza wa Jal. Kassirul Asnam, celui qui a cassé les idoles, celui qui a été catapulté dans le feu, celui qui a fait l'égir, celui qui est le père de deux prophètes, Ismaïl et Ishaq, celui qui, le père des prophètes, l'élite parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal, il s'adresse à son Seigneur. Et il lui dit, ô mon Seigneur, ne m'as-tu pas promis de ne pas m'humilier le jour des comptes? En faisant référence à sa dua. Wala tukhzini yawm ad-din. Naam. Et ne m'humilie pas le jour des comptes. Yawm ad-din ou bien yawm yub'athoun. Naam. Dites-moi. Est-ce que je me suis trompé? Si oui, corrigez-moi. Hadha kalamullah. Ça, c'est la parole d'Allah. Celui qui se trompe, on lui dit tu te trompes. Tu te trompes, il n'y a pas de problème. Ala kulli hal yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Celui ou bien ce jour où sera d'aucune utilité l'argent ni les enfants, exception faite de celui qui viendra chez Allah avec un cœur propre, un cœur saint de tout polythéisme, un cœur saint d'innovation, un cœur saint des mauvaises choses. Il va s'adresser à Allah Azza wa Jalla et l'invoquer. Puis il dira: Wa ayyu khizyin, et quelle humiliation plus grande min abil ab'ad. Et quelle humiliation plus grande que son père soit jeté en enfer et éloigné en enfer. Alors Allah Azza wa Jalla lui répond une réponse Allahu Akbar. Il lui dit: Inni harramtu al-jannata 'ala al-kafirin. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla parle et il parlera yawm al-qiyamah. Et il répondra à Ibrahim: j'ai interdit al-jannah, le paradis, aux kafirin, aux mécréants. Mais regarde à tes pieds. Alors Ibrahim alayhi salam verra الذير يعني الليان ملطخ بالدم souillé de sang, et les anges vont venir saisir par les pattes cette hyène et la jeter en enfer. C'est son père qui sera transformé en hyène pour pas qu'Ibrahim alayhi salam voit son père sous sa vraie apparence jeté en enfer. Est-ce qu'Ibrahim a été profitable à son père et au Yawm al-Qiyamah? Est-ce qu'il a réussi à le sauver? Non. C'est Ibrahim alayhi salam. On a cité l'exemple de Muhammad ibn Abdullah, Sayyid waladi Adam. On a cité l'exemple d'Ibrahim. On peut citer l'exemple de Nuh alayhi salam, le premier messager aux gens de la terre. Son fils, il n'a pas réussi à le sauver de la noyade dans ce bas monde et de l'enfer dans l'au-delà. Son épouse, il n'a pas réussi à la sauver. L'autre alayhi salam n'a pas réussi à sauver son épouse. Et les exemples sont nombreux chez Sahaba. Un homme a dit au prophète sallam: Ya Rasulallah, Aina Abi, où est mon père? Il lui a dit: Finnar. Il lui a dit: en enfer. Parce qu'il est mort en dehors de l'islam. C'est comme si pour le compagnon ça a été lourd. Il l'a rappelé, il lui a dit: Inna Abi wa Abaka Finnar. Il l'a rappelé, il lui a dit: certes, mon père, le père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le tien sont tous deux en enfer. Subhanallah. Comment est-ce qu'après ça, on pourrait se permettre de dire: moi je suis le fils d'un tel, moi je suis. Kulluna min bani Adam. Wa la miza li ahadina illa bit taqwa. Tous, autant que nous sommes les fils de Adam. Et personne n'est meilleur qu'un autre si ce n'est avec la piété. Le prophète alayhi salatu wassalam, durant un voyage, a dit au compagnon: attendez-moi là. Il s'est éloigné, puis il est revenu et sur son visage on voyait la tristesse. Ils lui ont dit: que t'arrive-t-il au messager d'Allah? Il a dit: voici l'endroit où est enterré Amina, la mère du prophète sallam. J'ai demandé à Allah la permission de la visiter, il me l'a donnée. Puis je lui ai demandé la permission de faire dua pour elle, il m'a interdit cela. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas dua pour la personne qui décède en dehors de l'islam. Voici la première leçon, ikhwan al-kiram, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal nous dit: Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim. Il a transgressé. Il les a opprimés. De quelle manière est-ce que Qaroun transgressait et opprimait? Il a dépassé les limites. Al-bari, c'est le fait d'opprimer la personne qui ne t'a rien fait. C'est le fait de transgresser, de dépasser la limite, alors que la personne en face ne méritait pas ce que tu lui fais, ou ce qu'on lui a fait. Ibn al-Jawzi, rahimahullahu ta'ala, a mentionné dans l'explication du verset que 5 paroles ont été rapportées, 5 avis. Le premier avis, جعل لبغي جعل على قذف موسى بنفسه. Le premier avis est que la transgression a été faite par Qaroun à l'encontre de Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a fait ce khabith? Il a monté le peuple contre Moussa alayhi salam et il a comploté contre lui pour lui mettre une rumeur sur le dos. Comment cela? Il est parti voir une prostituée, akramakumullah. Il est parti voir une prostituée. Et ils lui ont dit, tu vas faire un faux témoignage contre Moussa et l'accuser de l'acte avec toi, et en contrepartie, on va te donner telle et telle somme. Et la femme accepta. Et la femme accepta. Lorsque cette parole est sortie, Moussa alayhi salam lui a demandé de jurer que ce qu'elle avançait était vrai. Elle n'a pas pu jurer. Elle n'a pas pu utiliser le nom d'Allah Azza wa Jal pour témoigner de cela. Puis elle a avoué la vérité. Donc il a transgressé de quel point? En essayant de nuire à Moussa alayhi salam. Car comme on le verra, il l'a jalousé. Incha'Allah. Comme on le verra, Incha'Allah. Et ça a été mentionné par Ibn Abbas. Cela a été mentionné par Ibn Abbas. Le deuxième avis, Bara aybil kufri billah ta'ala. Ça, c'est l'avis de Dhahhak rahimahullah. Le deuxième avis, l'a transgressé, c'est-à-dire de par la mécréance en Allah le Très-Haut. Le troisième avis, Bara bil kibr. قاله قتادة رحمه الله. Le troisième avis, c'est de dire qu'il a transgressé, il s'est enorgueilli, il était orgueilleux. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, le prophète عليه الصلاة والسلام l'a défini en disant el kibr batarul haq wa ramtun nas. C'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. On te dit la vérité, on t'appelle à la vérité, on te conseille, tu refuses le conseil. Tu rejettes la vérité, tu te mets au-dessus de la vérité. On t'apporte la vie véridique, toi tu le rejettes, t'acceptes pas, tu restes, tu campes sur tes positions. Ça c'est de l'orgueil. Celui qui fait ça, c'est un orgueilleux. Et c'est un grand péché en islam. L'enfer, c'est la demeure des orgueilleux. L'enfer, c'est la demeure des orgueilleux, qu'Allah nous en préserve. L'orgueil, c'est également mépriser les gens. Te voir supérieur aux gens par des choses de dunya qu'Allah t'a accordées. Tu méprises les gens par ta couleur, tu méprises les gens par ton argent, tu méprises les gens par ta qualité sociale et ta connaissance de certaines personnes. Tu méprises les gens selon ton travail par rapport à eux. Tu es médecin, il est éboueur, tu vois que tu es meilleur que lui au-dessus de lui parce que tu es médecin. Ou tu es entrepreneur, ou bien tu es. Alors tu méprises cet homme-là. Tu t'assois pas avec les pauvres parce que toi tu es riche. Tu t'assieds pas avec un tel et un tel parce que toi tu es le fils d'un tel et d'un tel. Non, c'est de l'orgueil tout ça. Le prophète alayhi salatu wa salam avait pour assise les pauvres. Et les suiveurs des prophètes étaient les pauvres en premier lieu. L'orgueil, c'est une maladie qui détruit les cœurs. Et qui anéantit le bas monde et l'au-delà. Des adeptes de l'orgueil, qu'Allah nous en préserve et purifie notre cœur. Et que la personne n'atteste pas de sa pureté et dise, moi, alhamdoulilah, j'ai pas d'orgueil. Non. Chacun doit demander à Allah Azza wa Jal de purifier son cœur. Et on doit avoir peur de tomber dans l'orgueil. Il y a des formes d'orgueil qui sont très subtiles et très cachées dans les cœurs. Très subtiles et très cachées dans les cœurs. Il se peut que la personne ait honte de marcher avec un pauvre. Il se peut que la personne ait honte de s'asseoir et de manger avec les pauvres. Dans certains de nos pays, par exemple, le servant, il ne mange pas à la table ou dans le plat du chef de maison. Ça peut rentrer dans l'orgueil. Et on m'a rapporté que chez nous, il y a le plat pour les grands, les nobles, puis il y a le plat pour Al-Khadima ou Al-Khaddam, pour le servant et la servante. Mais que certains, alhamdoulilah, ont refusé cette habitude-là. Et ils ont dit non. Désormais, le servant, il mange dans le plat comme tout le monde. Et la servante, elle mange avec les femmes comme tout le monde. وَهَذَا كَرَمٌ. Et ça, c'est une noblesse de ces chefs de famille. Et ça, c'est soigner l'orgueil du cœur des chefs de famille. On doit avoir être tawadu. Le prophète sallam était l'homme le plus humble qui soit. Il était humble. Et il dormait par terre, il mangeait par terre. Et il mangeait avec ses doigts. Et lorsque de la nourriture tombait par terre, il la reprenait, il la nettoyait, il la mangeait. Et il disait, ne laissez pas cette part au shaitan. Il était humble. Et il disait, je mange comme mange le serviteur. Un jour, Omar ibn Khattab est rentré chez lui, il l'a vu dormir sur des feuilles de palmier. Et les feuilles de palmier avaient affecté son flanc. Alors Omar ibn Khattab a pleuré. Et il lui a dit, tu es le meilleur. Et tu es au-dessus des Perses et des Romains. Et voici qu'eux ont les rivières qui coulent sous leurs pieds. Et toi, tu es le message d'Allah et le meilleur. Et voici ce que tu possèdes. Le prophète والسلام, lui a dit, Ya ibn al-Khattab, n'es-tu pas satisfait que eux partent avec la dunya et que nous partions avec l'au-delà? Subhanallah. Et lorsque Allah Azza wa Jalla a ouvert les frontières aux musulmans et que Abu Ubaïda et d'autres sont venus avec, ou bien que les compagnons et autres sont venus avec le chef de ce pays, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu était très modeste dans sa tenue. Alors Abu Ubaïda radiallahu anhu lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, pourquoi ne pas porter de meilleurs vêtements pour accueillir le roi des ennemis? Omar ibn al-Khattab s'est mis en colère, et il lui a dit, si seulement j'avais entendu ces termes d'autres que toi, Ya Abu Ubaïda. C'est-à-dire, tu es un des meilleurs compagnons, comment est-ce que toi tu peux me dire ça? Puis il lui a donné la leçon qu'il a entendue du message d'Allah, l'éducation prise du messager d'Allah. Et il lui a dit, Ya Abu Ubaïda. Abu Ubaïda, c'est un des dix meilleurs compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Un des plus aimés du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, nous les musulmans, nous sommes un peuple qu'Allah a élevé par l'islam. Les Arabes de la péninsule arabique, ils étaient moins forts que les Romains, que les Perses et autres. Il lui a dit, nous, Allah nous a élevés par l'islam, il nous a anoblis par l'islam. Celui qui cherche la noblesse dans autre chose que l'islam, Allah l'humiliera. Allah l'humiliera. C'est pour ça que sahaba ont gouverné ce bas monde. Parce qu'ils ont cherché la noblesse dans l'islam, pas dans la dunya. Allah Azza wa Jalla leur a donné alors l'islam et la dunya avec. Car celui qui se concentre sur l'adoration d'Allah, Allah Azza wa Jalla lui garantit son bas monde. Dans le hadith, Ibn Adam, tafarrar li ibadati, amla qalba karinan, wa yaday karizqa. Dans le hadith, ô fils de Adam, concentre-toi sur mon adoration. C'est-à-dire, remplis tes obligations, délaisse les péchés, je remplirai tes mains de richesse, de subsistance, et ton cœur de richesse, et ne t'éloigne pas de moi, sinon je remplirai tes mains d'occupation et ton cœur de pauvreté. Le vrai pauvre, c'est pas celui qui possède rien dans ses mains, c'est celui qui possède rien dans son cœur. Même s'il a des millions, il se voit toujours pauvre. Et il ne donne rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on fait attention à l'orgueil, qu'Allah nous en préserve. L'autre avis est de dire que Qarun kana khadiman li Fir'aoun. Il était au service de Fir'aoun, c'est un disciple, un ministre de Fir'aoun. Il avait la charge de Bani Israël, mais il a transgressé. Imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala dans Fath al-Qadir nous dit Jawaz al-Had, Bara, il a transgressé les limites. Et il s'est enorgueilli sur Bani Israël. Et il est sorti de l'obéissance de Moussa. C'est ainsi qu'il a transgressé. Il a refusé d'obéir au prophète Moussa alayhi salam. En plus de ça, il a mécru. Et ceci était déjà de la mécréance. Une des grandes causes de cela, c'est le hasad. Une des grandes causes du comportement de Qarun, c'est le hasad. La prophétie a été donnée à Moussa, il a fait dua, Allah Azza wa Jalla l'a associé à Harun, son frère. Et moi, j'ai quoi dans tout ça? C'est ainsi que se comporta Qarun. Moussa alayhi salam a eu la révélation, n'est-ce pas? Il a eu la Torah, il a fait dua, wa ashriku fi amri. وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي وَجْدُدُ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُصَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. Comme on trouve dans sourate Taha, Moussa a.s. a fait le dua, il a demandé à Allah d'associer son frère Haroun dans sa mission, d'en faire aussi un prophète. Allah Azza wa Jalla l'a exaucé. Qarun a été jaloux. Lui c'est un prophète, lui maintenant c'est un prophète, et moi je vais avoir quoi? Et moi je vais obtenir quoi? La jalousie, c'est une maladie destructrice. Al-kibr Al-hasad, voici deux grands péchés parmi les plus grands péchés. Et parmi les premiers péchés par lesquels Allah a été désobéi. Qui est-ce qui a uni cela sur lui? Dites-moi. Al-shaytan. Allah Azza wa Jalla a créé Adam de sa main. Il lui a enseigné le nom de toutes choses. Puis il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Par obéissance à Allah. Iblis vivait avec les anges. Et il n'était pas un ange. Kana min al-jinn, comme c'est vu dans le Coran. Fafasaka an amri rabbi. Il a désobéi, il est sorti de l'ordre de son Seigneur. Et l'ange ne peut pas désobéir. Il n'est pas sujet à la faute. Al-shaytan, Iblis a été créé de feu et les anges ont été créés de lumière. Donc, Iblis, c'est un djinn. C'est pas un malak. Mais il vivait avec eux, il était très pieux. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a ordonné, leur a ordonné à tous de se prosterner devant Adam, Iblis a dit, Ana khayrun min. Je me prosterne pas devant lui, je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé moi de feu et lui tu l'as créé d'argile, de terre. Il s'est vu meilleur, il s'est enorgueilli devant Adam parce que selon lui, le feu était meilleur que la terre. Alors qu'en réalité c'est le contraire. Le feu détruit et de la terre tu construis. De la terre tu construis. Il a jalousé Adam. La préférence qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée. Il a refusé de se prosterner. Allah Azza wa Jalla l'a banni. Il l'a viré des cieux. Il l'a inscrit en enfer jusqu'au jour dernier. Et il en a fait un imam pour les gens de l'égarement et les gens des péchés. Tout cela à cause de quoi? Al-kibr et al-hasad. L'orgueil et la jalousie. L'orgueil et la jalousie. Les gens du livre savaient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait apparaître. Et ils avaient dans leur livre sa description. Et Jésus, Isa ibn Maryam, avait annoncé la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a appelé dans leur livre Ahmed. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. Dans sourate As-Saff, et il convenait de mentionner cela dans la conférence d'hier, et lorsque Isa ibn Maryam dit, ô Bani Israël, je suis le messager d'Allah qui vous a été envoyé, et je viens certifier ce qui est passé avant moi, yani la Torah, et je vous annonce la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi dont le nom est Ahmed. Donc ils avaient connaissance. Allah nous dit même dans le Coran, dans la traduction des sens de ce verset, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ils le connaissent, ils connaissent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissent leurs propres enfants. Pourquoi lorsqu'ils ont mécru? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas suivi? Quand il est venu, il a vu qu'il n'était pas de leur peuple, mais qu'il était arabe, des gens de Mecca. Fahasadou, ils ont été jaloux, et ils ont mécru en lui. Ils ont mécru en lui, ils ne l'ont pas suivi. C'est la jalousie qui a fait qu'ils n'ont pas suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, nous, il n'y a pas de frontières. C'est un arabe, c'est un noir, c'est un africain, c'est un français. Non. Celui qui dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa akhuna. C'est notre frère en Allah Azza wa Jal. C'est notre frère en Allah Azza wa Jal. Et il se peut qu'un frère à toi ne soit pas sorti du ventre de ta mère. Rubba akhin lak lam yalidhu ummuk. L'exemple dit, il se peut qu'un frère à toi, ta mère ne l'ait pas enfanté. Un frère en Allah Azza wa Jal, il se peut qu'il soit meilleur que ton frère de sang s'il n'est pas dans le dîn. Si la personne est dans le dîn, c'est ton frère, tu l'aimes en Allah Azza wa Jal. La jalousie et l'orgueil est à bannir. Combien ont été touchés par le aïn, par le mauvais œil à cause de la jalousie? Combien ont été touchés du sihr? Les gens vont même tomber dans le shirk à cause du hasad. À cause de la jalousie, ils vont voir les sorciers et ils font du sihr, de la sorcellerie à un tel. Parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus riche, parce qu'il a des enfants, parce qu'il a tel travail, parce qu'il a marié ses filles, parce que. La jalousie, al-aïn, al-hasad. Jusqu'à aller voir les sorciers, les marabouts et les shayatines. Na'oudhu billah min al-hasad. Na'oudhu billah min al-kibr. qu'Allah Azza wa Jal nous préserve des sorciers et des charlatans et qu'il nous préserve de l'orgueil et de la jalousie. Qu'est-ce qui a causé le premier péché entre les deux fils de Adam? Le meurtre, la jalousie. La jalousie. Les orgueillés seront restés yom al-qiyama comme des petites fourmis noires. Comme des petites fourmis noires. Le prophète alayhi salat wa salam nous a montré vers quoi on devait envier les gens, c'est-à-dire espérer être comme eux. La hasada illa fi thnatayn. Nulle jalousie si ce n'est dans deux choses, c'est-à-dire elle ribta. Un homme à qui Allah Azza wa Jalla a donné la mémorisation du Coran, il le récite de jour comme de nuit et il juge avec. Et un homme à qui Allah a donné la richesse, et il dépense cela pour Allah. Ces gens-là qu'on doit espérer être comme eux. Pas ashabu dunya. Pas ashabu dunya. Et l'orgueil est une cause pour être écarté de la bonne voie et de la compréhension du Coran. J'écarterai de mes signes ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur la terre, c'est-à-dire ils ne vont pas comprendre le Coran et la voix d'Allah Azza wa Jal, comme c'est dans Surat Al-A'raf, le verset 146. Et on verra la finalité de Qaroun et la mention à nouveau de l'orgueil. Poursuivons. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. Allah عز وجل nous mentionne ce qu'il a accordé à Qaroun comme richesse. Et il nous dit: nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ici qu'il a donné à Qaroun al-kunuz, des trésors, c'est-à-dire énormément de richesses, énormément de biens de dunya. À quel point est-ce qu'il lui a donné? Allah azza wa jal nous dit les clés de ces trésors, parce que ces richesses, elles ne sont pas laissées à portée de vue, n'est-ce pas? Elles sont rangées dans des endroits où il y a des portes et qui sont fermées à clé. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Coran, de par la multitude de ses biens, de par la grande richesse qu'il lui a donnée, le nombre de clés de ses trésors pesait lourd sur une bande d'hommes forts. On ne parle pas de la richesse dans un premier temps. Les clés de ses trésors seulement, les clés de ses trésors, pour porter les clés seulement, une bande d'une dizaine de personnes, ou bien de yani au maximum 10 personnes, pour porter les clés, c'était lourd. Vous imaginez ou pas? Pour porter les clés seulement, ben c'était difficile pour un groupe d'hommes forts. Pour un groupe d'hommes forts. Que dire alors des richesses? Que dire alors de son or et de son argent? Ça, c'est la première explication. D'autres parmi les savants disent ce qui est voulu ici par les clés sont les richesses elles-mêmes. Sont les richesses elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il en avait tellement que c'était difficile à porter. Et il a été dit qu'il fallait une quarantaine de mulets pour porter ces richesses et les transporter. Son peuple, ou parmi son peuple, certains ont voulu son bien et l'ont conseillé. Ils lui ont dit, comme c'est venu dans le Coran, « إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ » Son peuple lui dit, « Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. » C'est la parole de qui ça? C'est la parole des bons conseillers. C'est la parole des bons conseillers parmi les gens de science de Banu Israël. Ils l'ont mis en garde, ils l'ont averti contre ce mauvais comportement, contre son orgueil et ses transgressions. Ne te réjouis point de cette quantité de dunya qu'Allah Azza wa Jal t'a accordée. Et ne t'enfle pas d'orgueil par celle-ci. Et ne méprise pas ceux qui n'ont pas reçu ce que tu as reçu toi. Car en te comportant ainsi, tu vas anéantir ton au-delà. En te comportant ainsi, tu vas oublier ton au-delà, tu vas donc l'anéantir. Inna Allah la yuhibbul farihin. La joie est mentionnée dans le Coran et elle a deux sens. Ici, la joie, c'est la joie qui est blâmable. La joie qui pousse à la transgression. La joie qui pousse à l'orgueil, à la vanité, au mépris des autres, au manque de considération des autres, de par les richesses qu'Allah Azza wa Jal nous octroie. La richesse qui n'est pas associée à la reconnaissance. Cette richesse-là, cette joie-là, Allah ne l'aime pas. Plutôt cette joie-là, Allah ne l'aime pas. Quant à la joie devant les bienfaits d'Allah, tout en manifestant sa reconnaissance et sa pauvreté devant Allah, Allah aime cette joie-là. Allah Azza wa Jal aime cette joie-là. Qu'est-ce que la reconnaissance? Avant ça, cette joie qu'Allah n'aime pas, à l'image de celui à qui Allah Azza wa Jal a donné des richesses. Femme et enfant, santé, un bon travail et une bonne qualité sociale. Puis il vient avec ses richesses, il sort par exemple du quartier et il va dans un coin huppé. Et il a une belle voiture, bien visible. Puis il revient dans ce quartier et il ne salue pas ses parents. Il a honte de marcher avec ses parents dans le quartier parce que eux sont modestes. Il a honte de son frère et sa sœur parce que eux sont modestes. A'oudhu billah. Et il ne salue pas son enseignant. Il ne salue pas ses éducateurs. Il ne salue pas ceux qui l'ont connu petit. Il ne s'assoit pas avec eux. Il ne les invite pas. Non, il ne veut pas être vu avec eux parce qu'il a honte d'eux. Sa joie l'a poussé à s'enorgueillir, à mépriser les autres. Cette joie-là, Allah Azza wa Jalla ne l'aime pas. Ces gens-là, Allah ne les aime pas. Inna Allah la yuhibbul farihin. Allah Azza wa Jal aime et déteste. Aime et déteste. Il aime le bien, il déteste le mal. Il aime les gens de bien, il déteste les gens de mal. Yuhibbul tawabin, yuhibbul mutatahirin. Il aime ceux qui se repentent beaucoup et ceux qui se purifient beaucoup. Il aime les patients, les endurants. Et il n'aime pas el farihin, les arrogants. Donc il n'y a pas de mal à se réjouir devant les bienfaits d'Allah, mais avec la reconnaissance, mais en restituant le bien, le droit à son propriétaire, en disant Alhamdulillah. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il recevait un bien, il disait Alhamdulillah. Et il disait, certes Allah est satisfait de son serviteur lorsqu'il boit, il dit Alhamdulillah. Lorsqu'il mange, il dit Alhamdulillah. Pour une gorgée ou une bouchée, il dit Alhamdulillah. Il remerciait Allah en se couchant, en se réveillant. Il remerciait Allah pour tous les bienfaits. Donc, le serviteur, il doit être humble et reconnaissant. Et Allah n'interdit pas les richesses. Mais il n'aime pas celui qui, à travers sa richesse, s'égare. C'est dans le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, quelle belle chose, la richesse pour l'homme pieux. Quelle bonne chose, l'argent licite pour l'homme pieux. Et il dit, le fait de laisser tes héritiers à l'aise est meilleur que de les laisser en tendant la main. En tendant la main. Donc la richesse n'est pas blâmable en islam. Uthman ibn Affan était très riche. Abdurrahman ibn Auf était très riche. Sulayman alayhi salam a possédé ce que personne n'a possédé. Mais comment est-ce qu'il se comportait devant les bienfaits d'Allah? Qu'est-ce qu'il disait lorsqu'il recevait les bienfaits d'Allah? Voici ici une grande leçon qu'on nous donne dans l'histoire de Qaroun. Il faut avoir un shukr et il faut être humble. Pour le faire, il faut savoir qu'est-ce qu'un shukr. Un shukr, c'est le fait de reconnaître que le bienfait qui t'a touché vient d'Allah. Wahdahu la sharika la. Deuxièmement, ton amour, il doit, yani avec ça, ton amour, il augmente donc pour Allah parce que c'est lui qui t'a donné. Deuxièmement, avec ta langue, ça c'est avec le cœur. Deuxièmement, avec ta langue, tu remercies Allah et tu fais ses éloges. Tu dis Alhamdulillah. Sans Allah, je n'aurais pas eu cela. Alhamdulillah. Ce que vous voyez, ça provient d'Allah. On reprend l'exemple. Il revient au quartier avec sa voiture. On lui dit, Masha'Allah, ta voiture. Il dit, Hadha min fadli Rabbi. Il dit, ça, c'est une grâce de la part de mon Seigneur. Wallahi, sans Allah, je n'aurais pas eu cela. Mais c'est de la dunya, ça vient, ça part. Il va voir ses parents, il leur achète une maison. Il achète une voiture à son père, il lui dit, tiens, Hadha min fadli Rabbi. C'est par la cause d'Allah que vous m'avez éduqué comme ça. Tenez, il remercie Allah, il donne à ses parents. Il va voir ceux qui l'ont éduqué, ceux qui sont dans le besoin, il leur donne. Qui a des dettes, il éponge les dettes. Il faut faire une mosquée, il pose 1000 euros, 2000 euros, il donne ce qu'il peut. Il faut faire un puits, il pose. Il appelle les gens de confiance et il leur dit, lorsqu'il y a un projet, appelez-moi. Il est sorti du quartier, il est riche. Mais son argent, il l'utilise pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça veut dire qu'il n'utilise pas pour ses plaisirs? Est-ce que ça veut dire qu'il n'achète pas une belle voiture, une belle maison, et ainsi de suite? Ça ne veut pas dire ça. Comment on va l'étudier? Inch'Allah. Il est reconnaissant avec sa langue. Il dit c'est grâce à Allah, il remercie Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Manifeste-le. Mentionne-le. Dis Alhamdulillah, c'est grâce à Allah. Ne fais jamais revenir le bienfait à ta force, à ta connaissance, à ton intelligence. Fais-le toujours revenir à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah t'en ajoute. Troisièmement, avec tes membres, la reconnaissance. Qu'est-ce que tu fais avec tes membres? Tu utilises les bienfaits d'Allah pour l'adorer et te rapprocher de lui. Le prophète alayhi salatu wassalam se levait la nuit, il priait jusqu'à ce que ses talons se fendent. On lui disait, tu fais ça alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. C'est-à-dire qu'on lui rappelait les bienfaits d'Allah sur lui et que c'est le meilleur. Il disait, oui certes. Afalakunu abdan shakura. Ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant? C'est-à-dire, cette prière, c'est une reconnaissance. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a croisé un homme d'une apparence très modeste. Il lui dit, Allah ne t'a-t-il pas donné des richesses? Il lui a dit, oui, il m'a donné des camélidés, il m'a donné des bovins, il m'a donné des ovins, j'ai des chameaux, j'ai des bœufs. Il lui a dit, et lui, il avait comme, par exemple, des chaussures déchirées. Il avait un vêtement très modeste. Il lui a dit, alors sache que quand Allah donne des richesses à quelqu'un, il aime voir l'effet de ses bienfaits sur la personne. Si Allah t'a donné des richesses, achète un beau vêtement. Prends une bonne voiture. Équipe ton intérieur. Fais plaisir aux femmes et aux enfants. Fais plaisir à tes parents. Dépense selon ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Il n'y a pas de mal. Si Allah t'a donné, il veut voir sur toi les effets de sa richesse. Les effets de son bienfait. Il n'y a pas de mal. Mais que cette richesse reste dans ta main et qu'elle ne pénètre pas ton cœur. Jusqu'à t'égarer comme ça, égarer qui? Qaroun. Iyadan billah. Ceci étant dit, ça c'est la richesse qui est mauvaise. Ça c'est la joie de Qaroun, celle qui est mauvaise. Voyons maintenant la joie qui est l'ordre d'Allah. Allah nous ordonne notre joie. Quelle est notre joie? Dans le Coran, il nous dit, Qul, dis au messager d'Allah, bifadlillah, par la grâce d'Allah, wa bi rahmati, sa miséricorde, fa bidhalika falyafrahu, de cela qu'ils se réjouissent. La joie, elle doit être pour ça, la grâce d'Allah, et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent. C'est un ordre d'Allah. Réjouissez-vous, soyez heureux et contents de cela. Wa khayru mimma yajma'un, c'est meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser comme richesse de ce bas monde. C'est-à-dire, dans le tafsir, tu trouves Fadlullah, c'est l'islam. Rahmatuhu, c'est le Qur'an. D'autres ont dit non, c'est le contraire. Le Qur'an et l'islam. On doit se réjouir du Qur'an. Le Qur'an, c'est le meilleur livre révélé. Le Qur'an, c'est un livre de guidé. Le Qur'an, c'est une bénédiction, c'est une guérison. C'est une bénédiction, c'est une baraka. C'est une guidée. Celui qui suit le Qur'an, il sera heureux. Et jamais il ne sera malheureux, jamais il n'échouera dans l'au-delà. Celui qui suit le Coran, il sera sur la bonne voie. Celui qui suit le Coran, il aura la bénédiction, il sera illuminé et éclairé. Allah nous dit dans le Coran, « Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru al-mu'minina alladhina amaluna salihat. » Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur. Il annonce aux croyants la bonne nouvelle, à ceux qui font les bonnes œuvres, la bonne nouvelle. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. Et on révèle du Coran ce dans quoi il y a une guérison pour les gens, une guidée, une miséricorde pour les croyants. Le Coran, طَهَا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى. طَهَا, nous n'avons pas révélé sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Ça n'est qu'une révélation, ou bien ça n'est qu'un rappel pour ceux qui veulent craindre. Le Coran, il n'a pas été révélé pour que tu sois malheureux. Donc, pour que tu sois heureux. Celui qui suit le Coran, il sera heureux. Il ne s'égarera pas, il ne sera pas malheureux. Le Coran, c'est un livre qu'on doit lire, comprendre, méditer, suivre et appliquer. De cela, nous devons nous réjouir. De l'islam, de la guider à l'islam. De cela, on doit se réjouir. D'accomplir la prière, de cela, on doit se réjouir. De jeûner Ramadan, de s'acquitter de la zakat, de cela on doit se réjouir. Le riche qui calcule sa zakat, quand il sort les 2,5% et qu'il les met dans la main du pauvre, il se réjouit. Son cœur se remplit de joie parce qu'Allah lui a légiféré cette adoration, parce qu'Allah l'a aidé à l'appliquer ensuite. Celui qui prie salat et taraweh, il se réjouit parce qu'Allah l'a aidé à poser son front par terre cette nuit, à rester debout cette nuit. Celui qui jeûne Ramadan, il se réjouit. Parce qu'Allah l'a aidé à s'abstenir de ceux qu'il ne voulait pas. Il se réjouit. Le Prophète nous dit, Sa'imi farhatan. Le jeûneur aura deux joies. L'adoration, c'est la joie. L'adoration va de pair avec la joie. Il sera heureux le jour où il va rompre, c'est-à-dire le jour du Eid. Il sera heureux de couper. Et il sera heureux le jour où il rencontrera Allah. Il sera heureux d'avoir jeûné. Parce qu'il va voir la récompense chez Allah. La joie, elle est avec l'adoration. La joie, elle est avec l'adoration. La femme, elle se réjouit d'obéir à Allah. Elle se réjouit d'être dans son foyer. Elle se réjouit d'adorer Allah, Azza wa Jal. Elle se réjouit d'obéir au prophète, Sallallahu alayhi wa sallam. Elle se réjouit de porter le hijab. Elle se réjouit d'éduquer ses enfants, d'honorer son époux, de s'occuper de ses parents. Elle se réjouit parce que c'est le dîn d'Allah, Azza wa Jal, qui lui a légiféré tout cela. Et elle sait que son bonheur dans ce bas monde et l'au-delà est rattaché à l'obéissance d'Allah et du messager, Sallallahu alayhi wa sallam. De cela qu'il se réjouit, c'est bien meilleur que tout ce bas monde. Donc, les conseillers ont conseillé Qarun et lui ont dit de délaisser l'orgueil et cette joie démesurée de par la dunya. Puis ils lui ont dit Wabtari. وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, c'est-à-dire toutes ces richesses, la demeure dernière, c'est-à-dire l'au-delà. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné comme richesse, ne l'utilise pas exclusivement pour assouvir tes besoins mondains, ton ventre, ta bouche, ta partie, non. Mais que ton but soit bien plus élevé que cela. Recherche l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Dépense tes bienfaits, sois généreux, fais des aumônes, aide les pauvres et les besogneux. Utilise tes biens à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que la richesse est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal chez ceux qui sont pieux et reconnaissants. Parce qu'ils peuvent faire ce que les pauvres ne peuvent pas faire. Les pauvres sont partis voir le prophète sallam et ont dit « Ya Rasulallah, les riches sont partis avec toutes les hasanats ». Ils prient comme nous prions et jeûnent comme nous jeûnons. Mais il leur reste de l'argent, ils font des aumônes et on ne peut pas le faire. Il leur a dit, ne vais-je pas vous informer d'une chose, si vous la faites, vous allez rattraper et dépasser tous ceux qui ne le font pas. Dites à la fin de chaque prière, Subhanallah 33 fois. Ou dites 33 fois, Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar. Plus tard, les pauvres sont revenus voir le prophète. Ils lui ont dit, ya Rasulallah, les riches ont entendu le hadith et aussi l'ont appliqué. Il a dit, hada fadullahi utihi man yasha. Voici la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. C'est-à-dire, c'est Allah qui répartit ses bienfaits, ses richesses et sa subsistance. Donc, ils lui ont dit de rechercher avec ce qu'Allah lui avait donné, l'au-delà. Et de ne pas utiliser son argent que pour la dunya. Puis, ils lui ont dit, ils lui ont donné la règle du juste milieu. Et ils lui ont dit, « Wala tansa nasibaka minad dunya. » Et n'oublie pas, ta part en cette vie. C'est-à-dire, on ne t'interdit pas de te faire plaisir dans ce bas-monde. On ne t'interdit pas, toi, le musulman, d'avoir une belle voiture, une belle monture, d'acheter une belle, de construire une belle maison, et de l'élever en étage, de porter de beaux vêtements, de belles chaussures, de combler ta famille, tes proches, ceux que tu aimes. On ne t'interdit pas cela. N'oublie pas ta part de dunya. On ne te dit pas de prendre tout ton argent et de tout dépenser fi sabilillah. On ne t'ordonne pas cela. Mais ne te concentre pas sur ta dunya au point d'en oublier l'au-delà. Ne te concentre pas sur tes bienfaits, sur un ni'am, hatta tansa al-mun'im, jusqu'à en oublier le grand donateur, celui qui t'a donné ses bienfaits. Le bienfait, elle doit te rappeler celui qui t'a donné tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne doit pas te faire yani te perdre dans ce bas monde. Donc profite de ce qu'Allah t'a rendu licite, comme nourriture, comme boisson, comme vêtements, comme demeure, comme commerce avec épouse. Car certes, tu as sur ta propre personne un droit. Et certes, ton Seigneur avant ça a un droit sur toi. Certes, ta personne a un droit sur toi. Certes, ta famille a un droit sur toi. Certes, ton épouse a un droit sur toi. فَأَعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ Acquitte-toi donc du devoir de chacun. Acquitte-toi donc de ton devoir envers chacun. Voici ce qu'a mentionné Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala. Par la suite, ils lui ont dit, وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ Et sois bienfaisant, tout comme Allah l'a été envers toi. C'est-à-dire avec ses bienfaits, Allah était bienfaisant envers toi. Toi également, utilise ses bienfaits pour être bienfaisant à ton tour envers ceux qui sont dans le besoin. Et ici, il y a un grand rappel. C'est que celui qui possède des choses, qu'il se rappelle que ça vient d'Allah. Et qu'il se rappelle la joie que ça procure en lui. Et comment est-ce qu'il est apaisé et qu'il vit bien de par les grâces d'Allah. À ce moment-là, qu'il se rappelle que dehors, il a des frères à lui qui sont dans le besoin. Il a des sœurs à lui qui sont dans le besoin. Il a des mamans, il a des enfants qui sont dans le besoin à l'extérieur. Et qui ne trouvent pas ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné à lui. Alors qu'il se rappelle du bienfait d'Allah sur sa personne, et qu'il se rappelle qu'Allah Azza wa Jal aime chez les gens, qu'il fasse selon ce qui découle des attributs d'Allah. Allah est fort, il aime le croyant fort. Allah est généreux, il aime les généreux. Allah est savant, il aime les savants. Et ainsi de suite. Donc toi, sois bienfaisant envers eux. Et quel meilleur mois pour se rappeler cela que le mois de Ramadan? Lorsque tu es en état de jeûne, bien que tu aies des richesses, tu t'abstiens de manger et de boire, tu ressens ce que ressentent des gens, mais toute l'année. Toi, tu le ressens juste du Fajr. Au Maghrib, durant 29 ou 30 jours. Mais sache que des frères à toi et des sœurs à toi, à l'extérieur, na'am, seul Allah Azza wa Jal peut-être connaît leur état, leurs difficultés, leur affliction, leur gêne à manifester leurs besoins. Ces gens-là sont comme ça, mais toute l'année. Ben toi, ahsin kama ahsan Allahu ilayk. Sois bienfaisant comme Allah était bienfaisant envers toi. Nourris-les, aide-les à couper leur jeûne. Dépense, calcule leurs besoins. Tu te dis, il faut un sac de riz, il faut quelques kilos de pâtes, il faut de l'huile pour cuisiner, de la sauce tomate, il faut un carton de poulet ou de cuisses de poulet. Ça va coûter combien ça pour une famille? Peut-être 100 euros, 150 euros. Je vais les mettre à l'abri du besoin par la grâce d'Allah et son aide et son assistance pendant un mois. 150 euros pour moi, je ne les sens même pas. Alors, maintenant, à qui vais-je donner cela? Je ne connais pas. Je vais voir l'imam, je vais voir celui qui ouvre la mosquée. Ils ont connaissance de ces gens dans le besoin. Et je fais cette sadaqa-là. Et j'espère qu'Allah l'accepte de moi, même si je suis faible. J'espère qu'Allah l'accepte de moi. J'espère être sincère. J'espère qu'Allah me pardonne mes péchés, soigne mon malade par cette cause. Et je dépense ça pour Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui nous empêche de faire cela? Qu'est-ce qui nous empêche de faire cela? Naam, tu dépenses pour la cause d'Allah Azza wa Jalla et t'espères sa récompense. Dans le mois de Ramadan, tu t'éduques sur ça. Et après Ramadan, c'est devenu une partie de toi, as-sadaqa. C'est devenu un comportement en toi, as-sadaqa. Tu continues après Ramadan à agir ainsi. Tatafaqqad al-fuqara, tu cherches les pauvres, tu cherches les gens qui sont endettés, tu cherches les gens qui sont malades et tu les aides. Tu cherches les femmes qui sont veuves, tu cherches les orphelins qui sont besogneux et tu les aides et tu dépenses. Et certains pensent que pour aider les pauvres, il faut des milliers d'euros. Non, subhanallah. Wallahi, il y avait un frère de France, Zallahu Khayran, qui, lorsque nous étions au Yémen, envoyait un frère de Saint-Denis, lui envoyait 300 euros. Et il disait, tu aides les pauvres. 300 euros par mois. Avec ces 300 euros, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de sourires, le nombre de larmes de joie, le nombre de personnes qui ont été heureuses par la cause de ces 300 euros. Plus loin que cela, certains se sont mariés par la cause de ces 300 euros. Certains ont payé la dot. Certains ont payé la dot. Je connais un frère qui est un grand talib ilm, par ça il s'est marié. Aujourd'hui il a des enfants, il vit et il enseigne à l'étranger. Donc ne dis pas, c'est rien. Des familles ont été mises à l'abri du besoin avec 100 euros, avec 50 euros. En Mauritanie, avec 70 euros, tu sacrifies un mouton. Tu partages la viande aux gens. Avec 1 euro, tu peux nourrir un pauvre à l'étranger. Avec 3 euros, aux Comores, chez les sinistrés, tu leur donnes un repas. Des frères qui sont sur place, on est en contact avec eux. On leur a demandé combien est-ce qu'il fallait. Ils ont dit 3 euros. 3 euros, la personne, elle mange, elle est rassasiée. Et j'en passe. En commençant par tes proches autour de toi, tu t'éduques sur ce comportement. El Joud ou Al Karam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme c'est mis dans le hadith, c'était l'homme le plus généreux. Et le moment où il était le plus généreux, c'était dans le Ramadan, lorsque Jibril venait lui enseigner le Coran. Venez lui enseigner le Coran. Il est encore plus généreux que les vents annonciateurs de bonnes nouvelles. Yani, les vents qui précèdent la tombée de la pluie. Yani, les vents poussent les nuages se réunissent. Allah Azza wa Jal ordonne de faire tomber la pluie à tel endroit. À la kulli hal, rappelons-nous à travers ce verset, car comme on a mentionné, des fois on nous mentionne les bonnes qualités, des fois les défauts. Quand on nous mentionne les bonnes qualités, on doit prendre exemple. Quand on nous mentionne les défauts, on doit se purifier, s'en éloigner. Ici, on nous dit que Qaroun n'a pas été bienfaisant ni reconnaissant avec les bienfaits d'Allah. Nous, on doit avoir donc le contraire. On doit prendre les bienfaits d'Allah et être bienfaisant envers les autres. Envers les autres. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Le prophète sallam nous dit, Allah dit, ô fils de Adam, dépense, je dépenserai pour toi. À chaque fois que tu donnes, sache qu'Allah va te donner. Et il y a deux anges, ou il y a des anges chaque jour qui font dua. Chaque jour. Ils disent, ô Allah, remplace à celui qui donne en bien. Tous ceux qui font des aumônes, ya Allah, remplace-leur. Et ya Allah, détruis tous ceux qui retiennent. Ceux qui ne donnent pas, anéantis leur richesse. Ça, c'est tous les jours. Puis ils ont dit à Qaroun, وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Ce qui signifie, et ne recherche pas la corruption sur la terre, ou sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. Allah Azza wa Jalla ne les aime pas, au contraire, il les châtie, il les punit. Et il leur retire ses bénédictions et ses grâces. Ne recherche pas le désordre sur la terre, la corruption sur la terre, de par ton orgueil, de par les péchés, de par l'injustice que tu propages sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Ne recherche pas la corruption sur la terre. Allah n'aime point les corrupteurs. Ne recherche pas la corruption sur la terre en te concentrant sur tes biens et ton argent, au lieu de te concentrer sur la reconnaissance envers celui qui t'a donné cela. Voici la nasiha des bons conseillers. Le riche, il lui convient d'avoir un homme pieux à ses côtés. La riche, il lui convient d'avoir à ses côtés une femme pieuse, une bonne fréquentation. Pour ne pas être poussé à mal utiliser ses biens, et pour pas tomber dans le monde de ceux qui transgressent avec leur richesse. Ici, on ne blâme pas la richesse ni les riches. On blâme les transgresseurs, les corrupteurs sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Après avoir mentionné tout cela, passons maintenant à la réponse de Qaroun. Vous avez entendu les bons conseils qu'il a reçus, les conseils sincères. Quelle a été la réponse de Qaroun? Allah Azza wa Jal nous dit: قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي. Il dit, c'est par une science que je possède ceci. C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. On a dit à Qaroun, crains Allah, sois reconnaissant, crains Allah, comporte-toi bien. Il leur a dit, pourquoi vous me parlez? Tout ce que je possède, c'est grâce à ma science. Tout ce que je possède, c'est grâce à moi. Parce que j'ai connaissance des moyens qui mènent à la richesse. Parce que je suis un grand businessman. Parce que je suis un fin connaisseur du commerce et des moyens qui mènent à la richesse. Voici la réponse de Qaroun. Ça, c'est le premier sens mentionné par les savants. Il n'a pas accepté le conseil. Il s'est montré à nouveau orgueilleux. Il s'est montré à nouveau orgueilleux. On a dit que l'orgueil, selon le prophète alayhi salatu wassalam, était de deux parts, n'est-ce pas? Quelle était la première part qui est déjà passée? Mépriser les gens, il a méprisé les gens de par ses richesses, n'est-ce pas? Et la deuxième, c'est quoi? Rejeter la vérité. Et ici, qu'a donc fait Qaroun? Il a rejeté la vérité. Tout l'orgueil s'est réuni sur Qaroun. Tout l'orgueil s'est réuni sur Qaroun, wal'iyadu billah. Certains sont orgueillés de par leur richesse. Et d'autres sont orgueillés de par, yani, le rejet de la vérité. Qaroun a réuni les deux. Qaroun a réuni les deux. Ils lui ont parlé avec tact, avec science, avec sagesse. Ils ont voulu pour lui le bien, mais lui l'a rejeté. Il a rejeté le conseil. Et ici, une grande leçon à tirer. C'est que pour, quand tu es dans un égarement, dans une faute, dans une faiblesse, pour accepter le conseil, c'est pas facile. Pour accepter le conseil, il faut une assistance de la part de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il faut une guidée de la part de ton Créateur, tabaraka wa ta'ala. Ne dites pas, un tel, il orgueille, il accepte pas. Si ça avait été moi, ceci et cela, non! La hawla wa la quwwata illa billah. C'est cela qu'il faut dire. Allahumma hdini wa la tudillani. C'est cela qu'il faut dire. Wallah, guide-moi et ne m'égare pas. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui dirige les cœurs, qui tourne les cœurs, affermi mon cœur sur ta religion. C'est cela qu'il faut dire. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. C'est cela qu'il faut dire. Il faut demander à Allah Azza wa Jal l'assistance, la guider, de ne pas être égaré. C'est que grâce à Allah Azza wa Jal qu'on accepte la vérité. C'est que grâce à Allah Azza wa Jal qu'on prie et qu'on jeûne. Il se peut que la personne, tu lui dis, prie. Tu lui dis, tu es musulman, tu crois en Allah Azza wa Jal, tu crois au messager. Il te dit oui. Elle te dit oui, cette personne. Tu lui dis, prie. Elle dit, j'arrive pas. Elle a de l'eau. La qibla est là. Elle sait prier. Son père lui a appris quand la personne était petite. Tu lui dis, prie. Elle dit, j'arrive pas. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a que Allah Azza wa Jal qui fait que tu es là à la mosquée. C'est pas parce que tu es plus fort, plus intelligent, plus riche qu'un autre. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est que Allah qui nous a préférés à d'autres. El wudu pour faire la salat. El wudu, tu peux pas le faire sans l'aide d'Allah Azza wa Jal. Marcher un pied devant l'autre pour venir au masjid, c'est que grâce à Allah Azza wa Jal. Salatul As, tu l'as fait, c'est que grâce à Allah Azza wa Jal. Puis après l'As, tu es resté, tu as écouté le cours, c'est que grâce à Allah Azza wa Jal. Personne d'entre nous est plus fort. Personne d'entre nous est tout simplement fort même. Personne n'est fort. Personne n'est plus intelligent. Personne n'est meilleur qu'un autre. Mais c'est une grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous. C'est tout. Là où l'Allah, les compagnons disaient, avec le prophète sallam, lorsqu'il creusait Al-Khandaq, les tranchées de la bataille de Al-Ahzab, là où l'Allah, ma sallayna, wa la tasaddaqna. Sans Allah, personne d'entre nous aurait prié, aurait fait des aumônes. C'est grâce à Allah Azza wa Jal. Faut se voir toujours faible chez Allah, toujours besogneux chez Allah. Faut jamais se vanter. Moi j'ai fait, moi j'ai dit, moi c'est moi. Non, dès que ça commence comme ça, moi je, c'est le début de la fin. Na'udhu billah. Et dès que ça commence par Alhamdulillah, hadha fadlullah, ça c'est, inshallah, il n'y a pas de fin. Au contraire, c'est le début de l'augmentation. Le bienfait sera préservé et il va augmenter. Ça c'est la promesse d'Allah dans le Coran. Dans Surat Ibrahim, wa itha'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Et si vous êtes ingrat, certes mon châtiment est terrible. Hein? Terrible. Donc il faut être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Qaroun a été ingrat. Il a dit, tout ce que vous voyez là, je l'ai eu grâce à moi, à ma science du commerce, à ma science de comment faire de l'argent. Moi, je sais faire de l'argent. C'est ce qu'a répondu Qaroun. Le deuxième avis des gens de science, est de dire que le sens de la parole de Qaroun est plutôt Allah, lorsqu'il m'a donné toutes ces richesses que vous voyez, c'est parce qu'il a su que je le méritais. A'ouzou billah. Voyez-vous le culot et l'orgueil qui a coulé dans les veines de cet homme-là? Allah, lorsqu'il m'a donné tout ce que vous voyez, c'est parce qu'il était satisfait de mon état, de moi. Sinon, jamais il m'aurait donné tout ce que vous voyez. Certaines personnes, elles ont la santé. Elles ont des richesses. Alors, elles prennent cela comme gage de piété et de satisfaction d'Allah sur elles. Ça, c'est une erreur manifeste qui a été réfutée dans le Coran, dans Surat al-Fajr. Et certains parmi les pauvres, les masakines, quand je dis les pauvres, c'est les gens à plaindre, pas forcément les pauvres de manière pécuniaire, mais elles regardent le riche, elles disent, lui, il doit avoir une grande place chez Allah. Subhanallah, c'est le pieux qui a une grande place chez Allah, c'est pas parce qu'il est riche qu'il a une grande place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici les deux explications du verset. On retient donc que pour accepter le conseil, il faut une aide d'Allah. Et on doit avoir peur de ne pas accepter le conseil. On doit faire dua pour toujours accepter le conseil et être humble. Accepter le conseil, c'est être humble. Ne pas accepter le conseil, c'est être orgueilleux. Celui qui vient à toi et il te cite un défaut que tu as, soit tu le vois, soit tu ne le vois pas, oh, dis-lui, barakallahu fik, ahsanallahu ilayk, qu'Allah te récompense pour cela. Qu'Allah te bénisse. Tu m'as offert un défaut que je vais pouvoir désormais corriger. Donc c'est une preuve qu'il t'a aimé. Il est venu te voir, il t'a parlé. Il t'a dit ce qui va à l'encontre de ta passion. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut pour toi le paradis. Il ne t'a pas trahi. Il ne t'a pas laissé avec tes défauts. Il ne s'est pas entraîné avec toi dans le haram. Non, il veut que tu sortes du haram. Tu t'améliores. Tu sois élevé chez Allah. Lui, c'est un ami. Lui, c'est celui qu'il faut fréquenter, celui avec qui il faut rester. Les vrais amis, ils se disent mutuellement, celui qui voit sur moi un défaut, il me le dit. C'est mieux d'avoir de l'amertume aujourd'hui et le paradis dans l'au-delà que d'avoir la douceur d'un miel empoisonné dans ce bas monde pour avoir l'enfer dans l'au-delà. Na'oudou billah. On demande à Allah de nous donner toujours une famille sincère, de nobles conseillers et des amis sincères. C'est très très très important. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a mentionné la parole de Abdurrahman ibn Zayd et il a fait ses éloges. Il a expliqué la parole en disant « Lawla ridallah anni wa ma'rifatu bi fadli ma a'tani hadha al-mal. » Ibn Kathir a fait les éloges d'une parole pour l'explication, la parole de Abdurrahman ibn Zayd. C'est que l'explication de la parole de Qaroun est sans l'agrément d'Allah envers moi, si Allah n'avait pas été satisfait de moi, et s'il n'avait pas eu connaissance, et s'il n'avait pas été savant de ma supériorité, de mon mérite, il ne m'aurait pas donné tout cela. Ibn Kathir a dit, vraiment, c'est une belle explication, une belle parole. Donc on doit soigner les cœurs et les purifier de cela. C'est une injustice du serviteur et une grande ignorance de penser cela. On retient cette règle. La richesse n'est pas gage de satisfaction d'Allah. Et la pauvreté n'est pas gage de colère d'Allah. Pour preuve, notez dans Sourate Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: c'est quoi le verset? Ahanan wa karaman. C'est quoi le début? فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur le teste, l'éprouve, il l'honore, il lui donne, il dit, ce serviteur, qu'est-ce qu'il dit? Il prend ses richesses et ses dons pour gage de quoi? Il dit: mon Seigneur m'a honoré. Comment est-ce qu'il pense? Richesse, mon Seigneur m'a honoré. Wa amma idha mabtalahu qadara alayhi rizqahu fa yaqul rabbi ahana. Par contre, s'il le teste et l'éprouve en resserrant ce qu'il lui donne, c'est-à-dire en diminuant, ne lui donnant pas beaucoup de richesse, il dit: mon Seigneur m'a humilié. Ça, c'est la balance chez certains humains. Allah Azza wa Jal corrige et réfute cela. Il dit: Kalla. Mais non, c'est pas comme ça chez Allah. C'est pas comme ça chez Allah. Donc ça, c'est une règle qu'il faut comprendre. Et ce que j'ai mentionné, c'est l'expiation de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr. Hafidahullah ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah dit, ou plutôt Allah donne de la dunya à ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas. Mais il donne le dîn ou la foi que à ceux qu'il a aimés. Il dit également, si ce bas monde avait été l'équivalent chez Allah de l'aile d'un moustique, il n'aurait même pas donné une gorgée d'eau à boire aux kafirs. Ce bas monde, il ne représente rien chez Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wa salam un jour est parti au marché et il a vu un âne mort avec un défaut aux oreilles. Il a dit, il était mort, il l'a pris comme ça, il a dit: Man yashtari lihada. Qui est-ce qui veut acheter? Man yashtari min nihada. Qui veut m'acheter cela? Ils lui ont dit: Ya Rasulallah. Yani bidirham, avec un dirham. Ils lui ont dit: au messager d'Allah. Mais qu'est-ce qu'on en ferait? Wallahi, s'il avait été vivant, il aurait été méprisable de par les défauts qu'il a aux oreilles. Yani s'il avait été vivant, de par ses défauts, il aurait été méprisable. On n'aurait même pas voulu. Pour rien. Gratuitement, on n'en aurait pas voulu. Que dire alors? Voici qu'il est mort. Le prophète sallam, en réalité, il les éduque. Et il leur dit: ben, sachez que la dunya, elle est plus méprisable chez Allah que cela auprès de vous. Allahu Akbar. Cette âne mort avec des défauts, dont vous ne voulez pas pardon, ben, sachez que la dunya tout entière, elle est plus vile chez Allah que cela. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les éduque sur quoi? Sur délaisser la dunya dont on n'a pas besoin pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et de ne pas faire de la dunya akbara hammina, notre objectif majeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné un hadith qui est l'histoire de trois hommes chez Banu Israël. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les éprouver, les tester. Abu Huraira nous rapporte ce hadith. Il y avait parmi les fils d'Israël trois hommes, un lépreux, un aveugle et un chauve. Décrétant de les éprouver, Allah leur envoya un ange. Ce dernier vint dire aux lépreux, et les frères m'ont apporté trois termes qui sont les plus adéquats pour cette maladie, rappelez-moi de les mentionner. Je dis directement le lépreux pour que tout le monde comprenne. L'ange est venu, auprès du lépreux. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu aimes le plus? Il a répondu, les gens me trouvent répugnant. Je veux bien avoir un beau teint et une belle peau. Sur ce, l'ange essuya la peau de l'homme. Puis la lèpre disparut, en cédant place à un teint et à une belle peau. Vous avez compris? Trois personnes qui ont une maladie apparente. Allah Azza wa Jalla veut les tester, les éprouver. Il envoie un ange. L'ange vient voir celui qui a la maladie de la peau. Qu'est-ce que tu aimerais? Il dit être guéri de cette maladie. Les gens me trouvent répugnant, ça les repousse. L'ange le caresse et sa maladie disparaît. Et voilà qu'il a une belle peau, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il l'interroge et lui dit, c'est quoi les richesses que tu aimes le plus? Il lui répond, les chameaux ou les vaches. Le rapporteur du hadith a un doute. Est-ce que c'est le chauve ou bien le lépreux qui a dit cela? Alors on lui a donné une chamelle pleine de 10 mois, année qui va mettre bas. Et l'ange lui a dit, qu'Allah te la bénisse, elle sera bénie pour toi. Elle va enfanter, tu vas voir, et année par la suite, beaucoup de richesses. Premièrement, l'ange est parti voir qui? Al-Abras, celui qui avait la lèpre. Ensuite, il est parti voir le chauve, Al-Aqra. Il est parti voir le chauve. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu aimerais le plus? Il lui a répondu, une belle chevelure. Une belle chevelure. L'ange lui a caressé la tête, ou lui a essuyé la tête, on va dire comme cela, lui essuya la tête. Et l'homme eut tout de suite une belle chevelure. Puis il lui a dit, quel bien aimes-tu le plus? Et il lui a dit, quel est le bien que tu aimes le plus? Et il lui a dit, les vaches. Alors il lui a donné une vache pleine, et il lui a dit, qu'Allah te la bénisse. Il passa ensuite à qui? On a mentionné le premier qui était? Le lépreux. Le deuxième? Le chauve. Et le troisième? C'est l'aveugle. Il lui a dit, qu'est-ce que tu aimerais le plus? Il lui a répondu, Ayyaruddallahu alayya basari. Écoutez bien. Il lui a dit, qu'Allah me rende la vue, fa'ubsira bihin nas, afin que je puisse voir les gens. Ça, c'est une des plus grosses épreuves. C'est une des plus grosses épreuves. Le fait d'être éprouvé par la cécité, le fait d'être aveugle, de ne pas pouvoir voir sa mère, son enfant, son épouse, ses amis. Al-Mus'haf, le Qur'an, subhanallah, t'as le Qur'an, tu lis, tu vois le Mus'haf devant toi, Allahu Akbar. Na'am. Imagine l'aveugle, il ne peut pas voir le Mus'haf, il ne peut pas voir écrit comme ça le Mus'haf. Sahulallah, qui a déjà pensé à ce bienfait? Tu es assis dans Ramadan, tu viens une heure en avance, tu lis le Mus'haf. L'aveugle, il ne peut pas lire ce Mus'haf-là, il ne voit pas les lettres. Est-ce que tu as pensé à ce bienfait? Est-ce que tu lis le Qur'an pendant Ramadan, en dehors de Ramadan? Hein? Toi, l'arabe, à qui le Père a enseigné cette langue-là, la langue du prophète, alayhi salatu wasalam, est-ce que tu es reconnaissant pour ce bienfait d'Allah? Qu'Allah t'a donné, tu prends le mus'haf, tu lis. Toi, celui qui a appris l'arabe, est-ce que tu es reconnaissant de ce bienfait-là? Tu as la vue, tu peux lire et apprendre. Avec la vue, tu apprends. Avec la vue, tu distingues entre les couleurs, entre ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, ce qui est profitable, ce qui est nuisible. Avec la vue, tu vois le masjid. Avec la vue, tu vois le Kaaba, tu fais tawaf. Tu vois le Kaaba, tu vois la pierre noire, tu la touches, tu l'embrasses. Avec la vue. Avec la vue, tu perds une chose, tu la cherches. De par la vue, la sœur de Moussa, alayhi salam, a été la cause que Moussa soit restitué à sa propre mère. Parce qu'elle l'a suivi, elle l'a recherché. C'est un des bienfaits de la vue. Avec la vue, tu vois ta mère, si tu l'as encore. Avec ta vue, tu vois tes enfants, tu les vois grandir. Avec ta vue, tu surveilles ton enfant, et ainsi de suite. Combien de bienfaits avec la vue? Wallahi l'azim. Personne ne peut estimer ce bienfait. Et tu entends un tel se plaindre, et dit, moi j'ai rien, parce qu'il a un salaire de 1 000 euros, il dit, j'ai rien, kada. T'as la vue, subhanallah. Si on te donne 50 000 euros, tu vends ta vue, si tu pouvais? 100 000 euros, toi, tu vends ta vue? Malgré que tu portes des lunettes, tu vends pas ta vue? Toi, 200 000 euros, tu vends ta vue, si tu pouvais? 1 million, on t'enlève la vue, la personne, elle te donne 1 million. Tu donnes ou pas? Combien on donnerait? Wallahi, personne donne pour sa vue pour de l'argent. Non, en gros, c'est comme si toi, t'es millionnaire. Toi, t'avais pas cédé pour combien? 50. T'as 50 000. Toi, t'as 200 000. Toi, tu as. C'est inestimable. C'est inestimable. C'est bien fait qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné. Comment on a le temps de se plaindre? Moi, j'ai ça. Moi, j'ai mal là. Moi, j'ai ça. Lui m'a fait. Lui m'a dit. Elle m'a fait. Wallah, il n'y a même pas le temps, on est occupé avec, normalement, à remercier Allah pour chacun de ses bienfaits. Mais Shaitan nous distrait. Et Shaitan nous fait montrer ceux qui sont au-dessus de nous, au lieu de regarder ceux qui sont en dessous de nous. Cet aveugle a répondu, qu'Allah me rende la vue afin que je puisse voir les gens. Et l'ange de l'effleurer. Alors Allah lui rendit la vue. Puis il lui a dit, quel est le bienfait que tu aimes le plus? Il a répondu, les moutons. Allah lui donna alors une brebis sur le point de mettre bas. Les trois ont vu leur richesse, leur bétail, proliférer. Le premier eut une vallée remplie de chameaux. À la base, il en avait combien? Une chamelle. Le deuxième, c'était quoi? Des vaches. Il a eu une vallée de vaches. Et le troisième, c'était quoi? Des moutons. Il a eu une vallée de moutons. Un jour, un ange est venu. L'ange est venu, mais cette fois-ci avec une apparence hideuse. Ou on va dire, plutôt avec l'apparence du lépreux lui-même, celle qu'il avait auparavant avant d'être guéri par Allah. L'ange est venu le voir sous l'apparence d'un lépreux. Du lépreux durant sa maladie même. Il s'est présenté à lui, il lui a dit, je suis un homme malheureux, j'ai tout perdu. Durant mon voyage, il ne me reste plus rien. Et à part Allah, puis ton aide, je ne peux arriver à destination. Vous avez entendu? C'est un lépreux. Il vient voir l'ancien lépreux, ancien pauvre. Il lui dit, aide-moi, donne-moi un chameau pour continuer mon voyage. Je n'ai plus rien, mes richesses sont épuisées durant ce voyage. Quelle est la réponse de l'ancien lépreux, du nouveau bel homme, de l'ancien pauvre, du nouveau riche? Il lui répond, j'ai trop de charges, j'ai trop de dépenses, je ne peux rien faire pour toi. Alors l'ange lui dit, l'ange sous l'apparence du lépreux lui dit, c'est comme si je te reconnaissais. N'es-tu pas un lépreux que les gens répugnaient et un pauvre à qui Allah a donné richesse? Moi, s'écria le lépreux, mais cette fortune je l'ai héritée de mes ancêtres qui étaient d'ailleurs des seigneurs et des nobles, des grands. Alors l'ange a fait dua. Il a dit, si tu mens, puisse Allah te faire redevenir comme tu étais, c'est-à-dire malade et pauvre. Ensuite, il est parti voir le chauve. Il lui a demandé la même chose. Et le chauve a répondu la même chose. J'ai trop de charges, je ne peux rien faire pour toi. C'est comme si je te reconnaissais. Tu n'étais pas un tel. Il lui a dit non. Moi, ça, je l'ai hérité de mes ancêtres. Il lui a dit, si tu mens, qu'Allah te fasse redevenir comme je l'étais. Et enfin, il est parti trouver l'aveugle. Et il est venu sous son apparence, en tant qu'aveugle. Et il lui a dit, je suis démuni, je suis voyageur. Et durant ce voyage, j'ai perdu toutes mes ressources. Je n'ai personne à qui m'adresser après Allah, si ce n'est toi. Je te demande par celui qui t'a rendu la vue, de me donner une brebis pour que je puisse poursuivre mon voyage. Écoutez maintenant la réponse de l'aveugle. Allahu Akbar. Il lui a dit, Kuntu a'ma. Il lui a dit, moi, j'étais aveugle auparavant. Faraddallahu alayhi basari. Et Allah m'a rendu la vue. Et Allah m'a rendu la vue. Wa kuntu faqiran. J'étais pauvre. Et Allah m'a enrichi. Allah m'a enrichi. Prends donc tout ce que tu veux et laisse que ce que tu veux. Allahu Akbar. N'avons-nous pas dit qu'il faut une aide de la part d'Allah pour accepter et pour être reconnaissant et pour bien faire? Qu'est-ce qu'il a manqué aux deux premiers que le dernier a eu? L'aide d'Allah, la guidée d'Allah, l'assistance d'Allah. Tous étaient riches, tous avaient des bienfaits. Mais lui, il a été reconnaissant parce qu'Allah l'a aidé, l'a assisté. Alors l'ange lui a dit, garde tes biens, je ne veux rien. Et il lui a fait dua pour qu'Allah lui bénisse ses biens. Et il l'a informé de cette histoire. Qu'en réalité, Allah l'a éprouvé lui et ses deux autres compagnons. Puis il lui a dit, faradiyallahu ank, Allah était satisfait de toi. Wa sakhita ala sahibayk. Il s'est mis en colère. Et le courroux s'est abattu sur tes deux compagnons. Dans cette histoire, il y a de nombreuses leçons. C'est le hadith dans Sahih al-Bukhari. C'est un hadith qui est rapporté par Sahih al-Bukhari. C'est le hadith 3464 pour que vous puissiez revenir le noter et le lire de temps à autre. Ici, on voit la reconnaissance, c'est une obligation. Et que la richesse comme la pauvreté, que la beauté comme le reste, que le fait d'avoir une belle chevelure comme la calvitie, que le fait d'avoir une belle peau comme le reste, que le fait d'être aveugle comme la vue, tout cela en réalité c'est un test d'Allah sur la dunya. Tout cela c'est un test. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Pour vous éprouver, voir lequel d'entre vous va le mieux œuvrer. Ce bas monde, c'est une épreuve. Nabetali, on les éprouve avec la richesse, avec la pauvreté, avec le bien, avec le mal. C'est une épreuve. Deuxièmement, on voit ce que celui qui n'est pas reconnaissant envers Allah et qui n'est pas humble devant le bienfait d'Allah, il le perd. Les deux, ils l'ont perdu. Le troisième, il a été reconnaissant. Il a été humble, il l'a gardé et encore plus que cela. Encore plus que cela. Troisièmement, le comportement devant le bienfait d'Allah. Les deux premiers ont dit c'est grâce à Allah ou bien ils ont dit c'est mes ancêtres, c'est mon père, c'est mon héritage. Hein? Et le troisième a dit quoi? Il avait Allah sur sa langue parce qu'il avait Allah dans son cœur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Allah m'a rendu la vue. Je demande qu'Allah me donne la vue. Il faisait revenir à Allah la chose. Alors que les deux autres, ils ne faisaient pas revenir au Seigneur la chose. Et quand il a été reconnaissant, il a dit « Allah m'a rendu la vue, Allah m'a enrichi. » Vous vous souvenez la reconnaissance? Il y a trois piliers. Avec le cœur, avec la langue, avec les membres. Ici, il y a les piliers. Avec le cœur, il a reconnu que ça venait d'Allah. Avec la langue, il a fait revenir le bienfait à Allah. Et comment est-ce qu'il a été reconnaissant avec ses membres? Il lui a dit « Prends ce que tu veux. » La richesse, il l'a utilisée pour se rapprocher d'Allah. Ça, c'est la reconnaissance. Les deux autres, c'est ça l'ingratitude. Qui a déjà remercié Allah Azzawajal pour sa belle chevelure? Parce qu'il a des cheveux. Qui a déjà remercié Allah Azzawajal parce qu'il n'a pas une maladie de la peau? Qui a déjà remercié Allah Azzawajal parce qu'il voit? Il faut être reconnaissant. I'malu ala Dawuda shukra wa qalilu min ibadiya shakur. Allah dit dans le Coran, très peu parmi ses serviteurs sont très reconnaissants. Très peu. Très peu. Allah al-musta'an. Donc voici un beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qarun n'a pas emprunté ce chemin. Il n'a pas emprunté le chemin des prophètes et des gens pieux. Regardez le comportement de Suleyman alayhi salam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait venir le arche de la reine de Saba et qu'il lui a assujetti beaucoup de choses de dunya, quel comportement est-ce qu'il a eu devant Allah subhanahu wa ta'ala? Il a répondu « Hadha min fadli rabbi » Ceci est une grâce de la part de mon Seigneur. « Liyabluwani a ashkur am akfur » Et il m'éprouve à travers cela pour voir si je vais être reconnaissant ou ingrat. Reconnaissant ou ingrat. « Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim » Et celui qui est ingrat, certes mon Seigneur est riche et noble. Aussi, il y a Dhul Qarnayn, à qui Allah Azza wa Jal a permis de faire une œuvre incommensurable. À la fin de cette œuvre, il dit Hadha rahmatun min Rabbi. Voici une miséricorde de la part de mon Seigneur. Voici une miséricorde de la part de mon Seigneur. Et vous avez entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se lève la nuit et qui dit « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Un jour, Qarun a réuni beaucoup de ses richesses et ça a prêté. Et ça a prêté comme les riches orgueilleux le font, en exposant ses richesses. Comme on peut imaginer, avec ses servantes, avec ses montures, avec les plus beaux vêtements, avec son or et son argent, avec ses montures qu'il porte, avec ses hommes et ses gardes du corps et autres. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran. Avant ça, j'ai oublié. Quand il a dit, j'ai eu tout cela grâce à moi. أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Ne savait-il pas qu'avant lui, Allah avait fait périr des générations supérieures à lui en force et plus riches en biens? Qarun avait des richesses. Et il avait une grande force. Mais on nous apprend ici que dans le Coran, Allah Azza wa Jal a anéanti des gens qui étaient plus riches et plus forts que Qarun. Que ta richesse, elle ne peut pas te protéger d'Allah. Tes âmes ne peuvent pas te protéger d'Allah. Ça, ça marche chez les créatures, quand Allah le permet. Mais chez Allah, rien ne peut protéger le serviteur qui lui a désobéi de sa colère et de sa menace. Yom al-Qiyam, les criminels auraient espéré donner en rançon tout ce qu'il y a dans ce bas monde, avec leur père, leur mère, leurs frères, leurs proches, leurs tribus, pour se sauver du châtiment de l'enfer. Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Lisez dans Sourate Al-Ma'arij. Yawaddu al-mujrim kulla dhalik. Puis, fakharaja ala qawmi fi zina. Allah Azza wa Jal nous montre qu'un jour il est sorti dans tout son appareil. Il a montré ses richesses, il s'est pavané, il a exposé. Et sans aucun doute, ça a attiré le regard des gens, surtout les gens qui sont accrochés à la dunya. Et à ce moment-là, les gens se sont divisés en deux. Les gens se sont divisés en deux, selon leurs intentions et leurs motivations dans ce bas monde. Le premier groupe, Allah Azza wa Jalla nous dit, « قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ. » Le premier groupe, ceux qui aimaient la vie présente, la vie de ce bas monde, dire, si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Qarun, il a certes été doté d'une immense fortune. Les gens de la dunya, ils auraient aimé être à la place de Qarun. Hein? Il est dans le haram, il est dans l'égarement. Il est détesté chez Allah. Mais les gens de ce bas monde, ils ne se préparent pas pour l'au-delà. Ils ne préparent pas leur rencontre avec Allah. Alors ils regardent les gens de dunya. À l'image de ceux qui vendent de la drogue. Ou qui volent et qui font des braquages. Alors ils se pavanent dans des belles voitures. Et ils sont ainsi. Alors tu vois des jeunes perdus, accrochés à ce bas monde. Lorsqu'ils les voient, ils disent, oh, j'aurais tant aimé être comme un tel. Celui qui a tel terrain, comme un tel, celui qui a braqué, qui ne s'est pas fait attraper, comme un tel, celui qui est en prison, mais dehors, il y a tel somme qui l'attend. Ça, c'est les gens de la dunya. Ça, c'est les gens qui n'ont pas préparé leur au-delà. Ça, c'est les gens qui ne connaissent pas Allah Azza wa Jal. C'est les gens qui n'ont pas préparé leur rencontre avec Allah Azza wa Jal. Sinon, ils auraient détesté de venir ainsi. Ils auraient su que ça, c'est la colère chez Allah. Ça, c'est, il n'y a pas de baraka chez Allah. Ça, c'est l'égarement chez Allah Azza wa Jal. Il les voit dans de belles voitures avec des femmes dans le haram, sans mariage. À droite, puis le lendemain avec une autre, puis le surlendemain avec trois autres, et quatre autres, et dix autres. Et il va dans zina, dans le haram. Son argent, il est du haram. Les femmes dans le haram. Sa voiture du haram. Ses biens au pays dans le haram. Son commerce du haram. Il mange, il boit, il dort dans le haram. Mais tu vois que le jeune perdu, miskin, il dit, ah, j'aurais tant aimé être comme le grand du quartier. J'aurais tant aimé être comme le grand de là-bas. J'aurais tant aimé être comme le vendeur, comme le. C'est des criminels, les mujrimoun, fasaqa, dhullal, sont perdus. Ils souffrent plus que toi. Dans leur cœur, c'est les ténèbres et c'est l'enfer, alors qu'ils sont encore dans ce bas monde. Tu ne dois pas chercher à ressembler à l'égaré. Tu dois chercher à ressembler aux messagers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui les ont suivis avec excellence. As-sahaba radiallahu anhum. Barakallahu fik. Ceux qui aimaient la vie présente ont dit, si seulement nous avions eu ce qui a été donné à Qarun, il est certes doté d'une immense richesse. Pour eux, c'était ça la grande part. Pour eux, c'était ça la réussite et la noblesse. C'est d'avoir être dunya, d'avoir les belles voitures, même si dans le haram, c'est pas grave. Ils ont voulu la richesse, ils ont voulu ce bas monde et ils en ont oublié l'au-delà. Maintenant, on passe à la deuxième catégorie de personnes, les gens de science, parmi les gens de la foi, les gens qui connaissent le bas monde et sa valeur, les gens qui connaissent l'au-delà et sa valeur. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Tandis que ceux auxquels le savoir a été donné dirent, malheur à vous. La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et qui fait le bien, mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. Les gens de science ont l'expérience. Les gens de science sont assistés par Allah. Les gens de science ont la connaissance des histoires de ceux qui sont passés. Ceux qui se sont comportés comme Qaroun, quelle fut leur finalité? Ils ont été anéantis. Ils ont étudié, ils connaissent. Ils ont l'expérience. Alors lorsqu'ils ont entendu ces pauvres gens parler ainsi, ils les ont repris, ils les ont corrigés, ils les ont éduqués. En leur disant, malheur à vous. La récompense qui se trouve auprès d'Allah, c'est-à-dire dans l'au-delà, pour ceux qui sont pieux, qui adorent Allah avec la foi, est bien plus grande. Mais pour qui? Pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui font les actions pieuses. Mais qui pourra atteindre cela? وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. N'atteindra cela que les endurants. Ceux qui endurent dans la vérité sur le chemin d'Allah, dans les bonnes actions. Ceux qui endurent devant la désobéissance, devant le péché, ils se retiennent. Ceux qui endurent lors du malheur, ils se contiennent, ils patientent. Il n'y a que les endurants qui vont réussir à rester sur le chemin de la vérité. Pas tomber dans l'argent facile, haram. Pas tomber dans le haram. Pas tomber dans la transgression parce qu'ils savent qu'Allah Azza wa Jalla les voit et les surveille. La récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est bien meilleure, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte que Allah Azza wa Jal dit dans le hadith Qudusi, A'addattu li'ibadi. Écoutez bien. Allah Azza wa Jal nous dit, sous la traduction des sens de ce hadith à thème divin, j'ai préparé pour mes serviteurs. Qui sont ces serviteurs? C'est vous, c'est les croyants aux actions pieuses, incha'Allah. A'addattu li'ibadi as-salihin. J'ai préparé, j'ai apprêté pour mes serviteurs pieux ma la aynun ra'at, ce que jamais des yeux n'ont vu, wa la udhunun sami'at, ce que jamais des oreilles n'ont entendu, wa la khatara ala qalbi bashar, ni même n'a traversé l'esprit d'un homme dans son cœur. Il n'a même pas pu imaginer ni penser à ça, tellement que c'est magnifique. وَقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lisez si vous voulez. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Puis il a mentionné le verset 17 de sourate As-Sajda. Et aucune âme, ou bien, est nulle. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Fil Jannah, tu as tout ce que tu veux. Comment tu peux comparer ça à ce qu'est Qaroun? Le croyant a comme richesse ce qui est inestimable. Il a l'iman, il a la foi, il a la sunna. Au moment de mourir, il se libère de ce bas monde, de cette prison. Et il passe dans la largesse de l'au-delà et du bonheur. On fait descendre sur lui des anges qui le rassurent et lui disent « Allah khawfun alayhi amadha inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzan wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. » Les anges descendent, leur disent « Ne soyez pas tristes, n'ayez pas peur. Au moment où tu meurs, toi le croyant aux bonnes œuvres, Allah envoie des anges qui se succèdent et ils te rassurent. Tranquillise-toi, n'aie pas peur pour ce qui arrive. Ne sois pas triste pour ta famille que tu as laissé tes enfants. Allah Azza wa Jal les préserve et leur donnera. Nous sommes tes alliés dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Et reçois la bonne nouvelle de ce qui t'avait été promis. Les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala et son paradis. Un paradis comme Allah dit, vaste comme les cieux et la terre. Tu auras tout. Tout ce que tu veux, tu l'auras fil jannah. Le sol du paradis, il est de safran. Le kilo de safran, il est plus cher que le kilo d'or. Les troncs d'arbres sont d'or. Le foulard de la femme du paradis, il vaut plus que ce bas monde et ce qu'il contient. Et si on l'avait jeté, il aurait rempli l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre de parfums, comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. L'homme a au paradis tout ce qu'il souhaite. Mais sans s'étaler, on va mentionner juste un seul hadith. C'est le hadith de celui qui sera le dernier à entrer au paradis. Le dernier à entrer au paradis, le dernier à avoir évité l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'homme viendra après que tous les gens du paradis y ont été introduits. Allah dira, entre au paradis. Il dira, Seigneur, comment est-ce que j'y entre alors que les gens ont déjà occupé leur place et reçu les biens qu'on leur avait préparés? On lui dit, serais-tu satisfait d'avoir un royaume égal à celui des rois du bas-monde? Il dira, Seigneur, j'accepte. Il lui dit, tu as cela, ainsi qu'un autre pareil, et un troisième pareil, et un quatrième pareil. Au cinquième, il dit, j'accepte, j'accepte. Le dernier qui rentre au paradis, on lui donne ce qu'a un roi de ce bas monde, et une fois son égal, et trois fois, et cinq fois. Il dit, j'accepte, j'accepte. Il lui dit, tu as tout cela, et dix fois plus encore. C'est le dernier. Quand on lui dit, rentre au paradis, il dit, je l'ai trouvé rempli, j'ai plus de place. On lui dit, est-ce que tu es satisfait si on te donne l'équivalent d'un roi de ce bas monde? Il dit, oui. On lui dit encore une fois, encore deux, encore cinq fois. On dit dix fois tout ça. Dix fois tout ça. Tu as aussi tout ce que ton âme désire et tout ce qui fait le délice de tes yeux. Il dit, Seigneur, j'accepte. Il dit, Seigneur, j'accepte. Moussa, alayhi salam, avait questionné Allah, azza wa jal, sur cela. C'est Moussa, alayhi salam, comme dans le hadith de Mughira ibn Shu'ba, qui a demandé à Allah, subhanahu wa ta'ala, comment sera celui qui occupera le plus bas degré du paradis? Alors Allah Azza wa Jal lui a transmis cela, lui a révélé cela. Moussa alayhi salam a dit, ceux-là sont ceux que j'ai voulu pour moi-même. Ou plutôt, Moussa alayhi salam dit, Seigneur, comment sera alors celui qui aura la plus haute position? Si ça c'est celui qui a le plus bas degré, comment cela sera celui qui aura la plus haute position? Et là, Allah Azza wa Jal lui dit, c'est là cet endroit que j'ai voulu pour moi-même. J'ai planté de ma propre main l'arbre des honneurs qu'ils recevront et j'ai placé sur lui un cachet. Ainsi, nul ne le voit, nulle oreille n'entend parler et nul cœur d'humain ne se l'imagine. C'est-à-dire qu'au paradis, il y a plusieurs endroits. Il y a des endroits qu'on connaît, mais il y a un endroit, personne ne le connaît. C'est cet endroit-là que personne n'a vu, personne ne connaît, personne ne peut même imaginer. Ça, c'est le dernier qui va entrer fil Jannah. Et en pensant qu'il est déjà plein. Comment est-ce qu'après ça, on va se laisser avoir par la dunya de Qaroun? Par la dunya de Qaroun, qui reste un temps et qui va disparaître. Qui reste un temps et qui va disparaître. Des savants ont dit, vous voulez savoir la valeur de la dunya? Pensez au meilleur des plats que vous avez déjà mangé dans ce bas monde et le plus grand plaisir que vous avez pris. Puis, pensez à la finalité de ce plat. Tout le monde sait la finalité de ce qu'il mange et les déchets que ça donne. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la finalité qui est la finalité des gens du faux et des gens du mal. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun clan dehors d'Allah ne fut là pour le secourir et ne put se secourir lui-même. Voici la rétribution proportionnellement à ce que Qaroun a fait sur la terre. Il a été avalé par la terre. Imaginez un trou subi, yani subitement un trou dans la terre qui avale Qaroun avec sa maison et tout ce qu'il possédait. Qaroun sur la terre, comment est-ce qu'il se comportait? avec orgueil. L'orgueil, c'est de se mettre au-dessus des gens et de voir les gens de haut et de les mépriser. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il est tombé. Il est en dessous des gens. Il est en dessous des gens. La punition, el jaza ou min jins el amel, elle est relative au péché qu'il avait. Au péché qu'il avait. Tout comme Pharaon, il a été noyé. Parce qu'il s'enorgueillissait, il disait, l'eau coule sous mes pieds. Ben, on l'a noyé dans l'eau. Et ne pensez pas que c'est une punition qui est restée que chez Qaroun et que personne n'aura ou a eu cela. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne dans le Hadith d'Abiraira, dans le Bukhari Muslim. Alors qu'un homme se pavanait en marchant sur la terre, dans ses vêtements, rempli d'étonnement de sa propre personne et de vanité, فَخَسَفَ اللَّهُ بِالْأَرْضِ, Allah l'a englouti dans la terre. Vous imaginez? Il marche avec une démarche et il se gonfle d'orgueil, il se pavane rempli de vanité et d'un coup il a été avalé par la terre. D'un coup il a été avalé par la terre. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. C'est pas fini. Il ne cesse de tomber dans ses profondeurs jusqu'au يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Là, au moment où on parle, il est en train de tomber dans les profondeurs jusqu'à يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Voyez-vous les conséquences de l'orgueil? Voyez-vous les conséquences de la désobéissance et de l'ingratitude devant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ah, kada. Le prophète sallam nous dit, Allah ne regarde pas. Il ne parlera pas. Il ne regardera pas. Ils auront un châtiment douloureux. Qui sont-ils? Trois personnes. Parmi eux, le pauvre qui est orgueilleux. Il est pauvre. Il n'a pas les causes pour être orgueilleux. Malgré ça, il est orgueilleux. Allah Azza wa Jal nous dit que personne n'a pu faire quelque chose pour Qaroun. Ni lui, il a pu faire quelque chose pour lui-même, ni les gens autour de lui. Ne voyez-vous pas les gens riches dans le haram? Ils ont toujours du monde autour d'eux. Et les gens ont peur d'eux, parce qu'ils peuvent nuire, si Allah permet. Hein? Il dit, faut pas lui faire du mal à lui. Attention, lui, il connaît un tel. Attention, lui, il tire. Attention, lui. Masha'Allah. Toi, t'as lui. Toi, t'as peur de lui. Nous, on a Allah subhanahu wa ta'ala. El Qawi ul Aziz, El Matin. Le fort, le puissant, celui qui lorsqu'il veut une chose, il dit soit et elle est. Et dans ça, il y a une leçon pour tous les despotes et les tyrans de ce bas monde. Si on prend juste notre courte vie et on regarde les tyrans, quelle a été leur finalité? Sans citer de nom. En Syrie, quelle a été leur finalité? Quelle a été leur finalité dans tel pays? Au XIIe siècle, avant ça, après ça, de nos jours. Allah Azza wa Jal les a renversés du jour au lendemain. Certains torturaient leur peuple et leur interdisaient la prière du Fajr à la mosquée. Certains, si tu allais trop à la mosquée, on envoyait la police chez toi. Ils empêchaient les serviteurs d'Allah d'adorer Allah Azza wa Jal. On empêchait la femme de porter le hijab, sinon on lui faisait des problèmes. On empêchait les gens d'adorer Allah Azza wa Jal en sécurité. Allah Azza wa Jal leur a donné une mauvaise fin. Certains ont été retrouvés dans des trous, avec les cheveux tout hirsutes, ébouriffés. Avec les yani hirsutes, tout ébouriffés. Humiliés auparavant, ils faisaient peur aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal, ce qui était sur la piété. Dans combien d'endroits on a vu ça? Ça, c'est des leçons pour ceux qui ont du pouvoir. L'homme chez lui, le gouverneur dans son pays, le dirigeant dans sa ville, le fort devant le faible, le riche devant le pauvre, celui qui a la noblesse devant celui qui est faible. Tous, on doit tirer des leçons de l'histoire de Qaroun. Quand Allah Azza wa Jal fait descendre le châtiment sur la personne, personne ne peut le sauver. Personne ne peut l'aider. Tous ceux qui sont autour de toi quand tu es dans la dunya, c'est faux, c'est de l'illusion. Ils sont là pour ta dunya. Soit parce qu'ils espèrent un bien, soit parce qu'ils ont peur d'un mal. Pas parce qu'ils t'aiment sincèrement. Alors que les musulmans entre eux, ils s'aiment pour Allah Azza wa Jal. Ils sont entre eux pour être din. Ils sont entre eux pour la piété. Ils sont entre eux pour s'entraider dans le chemin qui mène à Allah. C'est ça la leçon qu'on tire. Voici les leçons qu'on tire de l'histoire de Qaroun. Il reste encore beaucoup de choses, mais j'ai été long, et l'histoire mentionne encore beaucoup de beaucoup de leçons, beaucoup de sagesse. On va juste finir en mentionnant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans le Coran. C'est que les anciens, ceux qui auparavant avaient souhaité être à la place de Qaroun, Ça n'est qu'une fois qu'ils ont vu le châtiment sur lui qu'ils ont dit, oh là là, on a failli périr avec lui. Hein? Ah, les savants avaient raison. C'est ça la différence entre le savant et l'ignorant. Le savant, il voit les problèmes en amont parce qu'il a l'expérience et la guidée d'Allah et sa lumière. Et l'ignorant, il voit le problème quand il est passé. Donc on voit ici le mérite de la science et des gens de science et qu'il faut revenir en cas de problème aux gens de science et d'eux, il faut prendre le conseil. Et les gens de science, ce ne sont pas les imams ou les prêcheurs. Quand on dit les gens de science, ce sont les savants. Quant à nous, notre rôle doit être de faire la transition, la médiation entre les savants et les gens de la masse. Et les gens de la masse. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui, la veille, souhaitaient d'être à sa place, à la place de Qaroun, se mirent à dire, ah, il est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut parmi ses serviteurs, ou la restreint. Si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait certainement fait engloutir. Ah, il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas. Voici la leçon. Ils ont dû attendre de voir le châtiment devant eux. Mais des fois, la leçon, elle est prise par la personne elle-même. C'est elle qui reçoit le châtiment et c'est les autres qui disent « Ah, j'ai failli périr avec lui ». Fais en sorte de toi tirer des leçons de l'histoire de Qaroun et que les gens ne tirent pas des leçons de ton histoire à toi, dans le mal du moins. Puis Allah Azza wa Jal nous dit « Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil-ladhina la yuriduna 'uluwan fil-ardi wa la fasada wal-'aqibatu lil-muttaqin ». Cette demeure dernière, l'au-delà, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur la terre, ni à semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Voici la conclusion de cette histoire. Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza alladhina 'amilu as-sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Quiconque viendra avec le bien, hasanat, le bien, aura meilleur que cela encore. Et quiconque viendra avec le mal, ceux qui commettront des méfaits ne seront rétribués que selon, ou bien que ce qu'ils ont commis. Que selon ce qu'ils ont commis. Donc l'au-delà, le paradis, la réussite dans l'au-delà, c'est pour qui? C'est pour les serviteurs pieux d'Allah. C'est pour les serviteurs pieux d'Allah. Pour les serviteurs pieux d'Allah qui ne recherchent pas à s'élever sur ce bas monde, sur la terre, et qui ne sèment pas la corruption. Et qui ne sèment pas la corruption. Je voulais vous mentionner une parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui nous dit dans cela que les gens se divisent en quatre. Premièrement, ceux qui cherchent à s'élever sur les gens dans ce bas monde et semer la corruption et le désordre sur la terre en désobéissant à Allah Azza wa Jal. Les dirigeants comme Fir'aoun et ses alliés. Le deuxième groupe, ils veulent pas le désordre sur la terre, ou plutôt ils veulent le désordre sur la terre, mais sans vouloir s'élever forcément au-dessus des autres. C'est qui? C'est ceux qui font du haram, ce sont les criminels, mais ils ne touchent pas trop de gens. Et yani d'un coup, comme qui? Ils ne recherchent pas plutôt, on va dire, à s'élever au-dessus des autres directement. Comme le voleur. Il sème le désordre, mais il ne cherche pas forcément à s'élever au-dessus des autres. Il peut être voleur et discret. Ça, c'est la deuxième catégorie. Certains criminels et certaines personnes humiliées de par leur péché. La troisième catégorie, il veut l'élévation, mais sans forcément vouloir le désordre sur la terre. C'est comme qui? Comme ceux qui ont de la religion et ils veulent être au-dessus des autres. Naam, ils veulent être au-dessus des autres. Ils veulent être élevés, mais sans se mettre de désordre. Il a du din, et par sa religion, elle veut être au-dessus des autres. La quatrième catégorie, c'est les gens du paradis. La quatrième catégorie, ce sont les gens du paradis. Ils ne veulent ni être élevés sur la terre. Ils ne veulent pas l'élévation, ils veulent l'élévation chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ne veulent pas le désordre sur la terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. هكذا بارك الله فيكم. Il y a encore beaucoup de choses, mais on s'arrête là. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة للمهتدين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلواتنا وصدقاتنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم السميع. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا. اللهم اشف أولادنا. اللهم اشف زوجاتنا. اللهم اشف المسلمين والمسلمات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجيرنا من النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادخلنا الجنة. اللهم ادخلنا الجنة. اللهم ادخلنا الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم اقض الديون عن المدينين. اللهم اقض الديون عن المدينين. اللهم اقض الديون عن المدينين. اللهم اهدنا. اللهم اهدنا. اللهم ثبتنا. اللهم ثبتنا. اللهم تقبل منا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.